à 22 ou 23 degrés pour les maxima. Et on a une petite ligne d'averse qui fait son petit bonhomme de chemin, qui est en train de descendre actuellement. Elle est déjà sur l'extrême ouest du Hainaut. Elle va arriver en région bruxelloise en cours de matinée. On retrouvera cette petite ligne d'averse l'après-midi sur le sud, alors que les éclaircies reviendront. Ce n'est qu'une petite parenthèse, puisque dès la fin de la journée, demain et toute la semaine, on retrouvera un temps progressivement ensoleillé et sec, avec des températures qui resteront raisonnables, 20 à 24 ou 25 degrés pour demain. On grimpera jusqu'à 23 à 27 degrés. Ce sera pour vendredi. Bonne journée sur Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et cette question, que s'est-il passé cette nuit à l'Institut de criminologie de Neder-Overhembeek? Une voiture bélier a foncé tout droit sur le bâtiment. C'est là que sont réalisés notamment des tests ADN dans le cadre de grandes enquêtes terroristes ou criminelles. Véronique Fievé, vous êtes sur place et vous avez des précisions ce matin sur le déroulement de cette attaque. Oui, alors on sait maintenant que les pompiers ont été appelés vers 2h cette nuit pour un incendie dans les bâtiments de l'INCC. Une voiture bélier avait réussi juste avant à défoncer les grillages de protection et avait ensuite été utilisée comme échelle pour permettre aux auteurs de l'incendie de lancer à l'intérieur du bâtiment des produits inflammables. Alors la voiture a ensuite été brûlée, sans doute pour effacer les empreintes des auteurs. Les dégâts sont importants, les fenêtres et châssis du bâtiment ont été détruits sur au moins une dizaine de mètres. Quant au motif des auteurs de l'attaque, peu d'informations filtrent jusqu'à présent. La piste terroriste n'est pas privilégiée. Il pourrait s'agir aussi d'un acte lié, par exemple, à un dossier de grand banditisme. En tout cas, l'enquête vient de commencer. Tout au plus, a-t-on appris que 2 personnes ont été arrêtées à proximité des lieux pour vérification d'identité. Merci Véronique pour ces dernières précisions. Et la question, c'est bien entendu qui se cache derrière cette attaque? Un criminel, un terroriste? Une enquête est ouverte. Et Véronique nous le disait, la piste terroriste n'est pas privilégiée pour l'instant, d'autant moins que l'attaque est survenue en pleine nuit. C'est l'avis de Philippe Boxo, médecin légiste et professeur à l'Université de Liège. Le but, c'est pas de toucher les gens, c'est pas de faire du mal aux gens. Le but, à mon avis, c'est plutôt de détruire une recherche, une analyse des pièces à conviction qui sont faites au sein de l'Institut. L'Institut de criminalistique est excellent, c'est un institut vraiment hyper compétent sur le plan de la criminalistique moderne, et c'est le seul que nous ayons en plus en Belgique. Donc c'est particulièrement important de les toucher, puisque ça peut paralyser véritablement une affaire judiciaire avec toutes les traces et indices qui disparaissent. Le médecin légiste Philippe Boxo, joint par Catherine Tonero. Les recherches reprennent ce matin pour retrouver Anthony. Le garçon de 8 ans est tombé dans la Sambre samedi soir. Il a chuté d'un bateau de plaisance à hauteur de Lop, près de Charleroi. Ce matin, les plongeurs vont recevoir l'aide d'un hélicoptère. Vous êtes nombreux à reprendre le travail ce matin. Et effectivement, ça sent la fin des grandes vacances. L'occasion de dresser le bilan touristique de cet été. À la côte, on a le moral au zénith. Avec 7 millions de visiteurs, on n'avait plus connu un tel succès depuis 10 ans. À Bruxelles, par contre, ce n'est pas très bon. Le taux de fréquentation des hôtels a baissé de 20% au mois de juillet. En Wallonie, on est plutôt satisfait malgré un début d'été un peu difficile vu la météo. Baptiste Dupin s'est rendu à Bouillon, en province de Luxembourg. La vieille clé est immense et rouillée à l'image de la lourde porte du château de Bouillon. Cette porte a déjà été franchie 95 000 fois cette année. 95 000 visiteurs qui en font une année de fréquentation en légère baisse. Francis Cléban, président du syndicat d'initiative de Bouillon. Une petite diminution, je pense, de 2-3% par rapport à l'an dernier, qui était une très bonne année. Donc on est content de la saison. Quel est le type de touriste que vous attirez ici? Je pense quand même beaucoup de touristes d'un jour. On le remarque bien dans la ville, hein. À 10h du matin, c'est encore relativement vide, mais bon, une demi-heure après, tous les parkings sont pleins et le soir, pareil. Un tourisme d'un jour, très dépendant de la météo. Bernadette Houbillon le constate chaque été. Elle loue des kayaks le long de la Semois. On n'a pas été servi par un super temps au mois de juillet. Mais je dois dire que le mois d'août a vraiment été super bon. Tous les week-ends ont été bons. Ce week-end a été formidable aussi. Les derniers jours du mois d'août ont redonné le sourire aux acteurs du tourisme en Wallonie. Et à Bouillon, on parie sur une fin d'été plutôt chaude et un atterrissage en douceur pour la saison touristique. Les voitures passent à nouveau depuis cette nuit dans le tunnel Stéphanie à Bruxelles. Il a rouvert après 7 mois de travaux. Le toit est consolidé, l'éclairage est flambant neuf. Un chantier de terminé donc, mais il reste pas mal d'autres travaux sur les routes et de gros points noirs pour cette rentrée. À Namur notamment, avec les travaux devant la gare et autour du Grognon, ou encore sur le viaduc de Cherat en province de Liège, réduit à une seule bande. Ce sera aussi le cas bientôt sur le viaduc d'Herstal. Patrons et syndicats se retrouvent ce lundi. Ils ont passé une partie de l'été à étudier les projets de loi du ministre de l'Emploi, Chris Peeters. Il faut à présent trouver des compromis. Cela porte sur la réforme du temps de travail, la fin des 38 heures semaine, la possibilité aussi de prester des heures supplémentaires sans compensation. Autant de pistes qui crispent les syndicats. Et bien en sport, Sébastien, les premières retrouvailles pour les Diables Rouges à l'Euro. Ils se retrouvent cet après-midi pour un premier entraînement en vue du match amical de jeudi contre l'Espagne et puis contre Chypre la semaine prochaine, match qualificatif celui-là. Première rencontre aussi avec le nouvel entraîneur Roberto Martinez et première apparition de Thierry Henry dans son nouveau costume d'assistant. Thierry Henry qui espère bien partager son expérience passée au sein de l'équipe de France. Avant je les voyais comme un fan, aujourd'hui je vais travailler avec eux. Nous Français, on a raté la Coupe du Monde en 90 et en 94. La France était connue pour avoir de bons joueurs, mais quand il fallait gagner, ils n'y arrivaient pas. Et c'est pour cela que je veux faire comprendre qu'il est possible d'y arriver. Maintenant, on sait tous à quel point il est parfois difficile de construire une équipe, mais ce sera mon objectif. Vous devez croire que vous pouvez y arriver. Tout est une question de croyance. Vous avez besoin de qualité, vous avez besoin d'objectifs, mais de grands joueurs doivent aussi comprendre qu'ils sont capables d'écrire l'histoire. Thierry Henry qui commentait son nouveau rôle ce week-end à la télévision anglaise. En tennis, le début aujourd'hui du tournoi de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. 6 Belges sont de la partie, 3 monteront sur les courts dès aujourd'hui, Steve Darcy, Alison Van Enwank et Elise Mertens, qui n'a pas vraiment été gâtée pour sa première participation au tableau, à un tableau final. Son adversaire au premier tour sera l'Espagnol Gabi Muguruza, troisième joueuse mondiale. RTBF Mobile Info, Stéphane Piebeuf, comment ça se passe en ce lundi de rentrée ? Eh bien, des travaux vous ralentissent sur le Ring 3 de Charleroi. Sébastien, en direction d'Épigny, on relève d'importantes files entre Montigny-le-Tilleul et Châtelet sur 8,5 km et vous perdez 40 minutes actuellement. Bon courage hein, si vous êtes prisonnier de ces embouteillages. En province de Liège, autre chantier, le chantier situé à Cherat, vous l'évoquiez, entre Aix-la-Chapelle et Bruxelles, 7 km de ralentissement. Mais là, c'est 15 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. Et puis, pour rejoindre Bruxelles, sachez qu'un camion est en panne sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur de Jésus-Zeik. La bande de droite est neutralisée. Il y a des files en direction de Bruxelles, des files qui d'ailleurs commencent à Overace jusqu'au Carrefour Léonard. Ajoutez 30 minutes à votre temps de parcours ce matin. 20 minutes supplémentaires sont nécessaires sur le 40 en venant de Liège entre Everlay et Woluwe-Saint-Etienne et 10 minutes en plus sur le 40 qui vient de Gand entre Ternat et Grand Bigard. Et puis sur le ring, une demi-heure en plus en circulation extérieure entre Ittre et le Carrefour Léonard. On ajoute également une vingtaine de minutes en circulation intérieure du ring de la capitale entre Grand Bigard et Zaventem. Et puis des ralentissements dans les tunnels bruxellois, bien sûr, avec le tunnel Stéphanie qui est rouvert la circulation, ça ralentit, il y a des embouteillages, ils sont plutôt habituels. Et puis sur le réseau secondaire, pour terminer, eh bien des travaux sur la Nationale 25 entre Nivelles et Corbet vous ralentissent à hauteur de Bouzeval, des files sur 4,5 km, 15 minutes supplémentaires sont nécessaires en direction de Corbet. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très belle journée sur Vivacité, sur la Une, en télé. On est reparti pour une semaine de débat. C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Si vous êtes déjà calé sur la route ou encore un peu au soleil du week-end, venez commenter l'actualité. Merci Sébastien. En direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est tombé du bateau familial dans la Sambre et les parents s'en sont rendus compte 15 minutes plus tard. ont-ils une responsabilité ? La question de la responsabilité se pose puisque la justice elle-même a ouvert une instruction pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et ou de précaution. Nous sommes samedi vers 19h, juste après leur barbecue. La famille embarque à l'aube sur un petit bateau de plaisance, 5 mètres de long. Les enfants sont à l'arrière du bateau, les parents à l'avant. D'après un sapeur-pompier, les enfants jouent, un ballon serait tombé à l'eau. Bref, le petit garçon tombe dans l'eau, mais le bruit du moteur empêche une fillette de donner l'alerte. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard qu'on se rendra compte que le garçon n'est plus là. Les parents ont fait marche arrière. Trop tard, l'enfant est introuvable et les fouilles reprennent donc ce matin. C'est la question pour vous ce matin. Samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est tombé du bateau familial dans la Sambre et les parents s'en sont rendus compte 15 minutes plus tard. Ont-ils une responsabilité ? La surprise de l'Union belge, Thierry Henry en troisième entraîneur des Diables. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là vient faire chez nous et est-ce que ça va nous servir ? C'est donc l'info que le monde du foot a commenté ce week-end. Thierry Henry est le nouveau T3 des Diables. Il a postulé lui-même, mais au départ c'était pour être l'adjoint de l'allemand Ralf Rangnick. L'Union belge a finalement choisi Roberto Martinez comme premier entraîneur, mais Thierry Henry a insisté. Il voulait le job à tout prix malgré l'éviction de l'allemand. On sait qu'il gagnera moins de 100 000 euros par an, c'est un petit montant. Il n'a aucune expérience probante dans le coaching et reste consultant de la chaîne Sky Sport en Grande-Bretagne, ce qui l'amènera à commenter les prestations des Diables qui jouent en Angleterre, tout en étant leur entraîneur. Nous voilà donc avec un trio inédit, Martinez, Graham Jones et Thierry Henry. Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. C'est la question pour vous ce matin, la surprise de l'Union belge, Thierry Henry en troisième entraîneur des Diables. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là vient faire chez nous et est-ce que ça va nous servir ? Et puis au 070-233-466, dans la foulée du débat burkini, Charles Michel refuse les accommodements raisonnables comme les heures de piscine réservées par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Ce week-end, Charles Michel a fait sa rentrée politique, interview sur le thème de la sécurité et du radicalisme. On retiendra que pour des raisons techniques, il ne veut pas de la loi sur le burkini, qui est trop difficile à différencier d'une combinaison de plongée, par exemple. C'est trop difficile à mettre dans un texte de loi. Mais on retiendra aussi le propos plus général du Premier ministre. Charles Michel refuse les accommodements raisonnables, les heures de piscine réservées, par exemple, dit-il. Quand on entre sur ce terrain, les démocrates ont perdu. À chaque fois qu'on a laissé grignoter nos valeurs fondamentales, on a fait le lit des plus extrémistes et radicaux. Fin de citation. Alors la question pour vous ce matin, dans la foulée du débat burkini, Charles Michel refuse les accommodements raisonnables comme les heures de piscine réservées aux femmes, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Zoé Boss, le standard est ouvert. Mais le standard est ouvert à l'autre bout du 070-233-466. Marion Jomotte décroche vos appels et lit vos SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats dont c'est vous qui le dites, un enfant disparu, Thierry Henry chez les Diables et Charles Michel dit non aux heures de piscine à ménager. Le débat, c'est vous qui le faites. Première émission de la semaine, Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, Emmanuel Abramovic, journaliste pour la web revue Résistance et pour le journal satirique Même Pas Peur, nous accompagne ce matin dans le studio de C'est vous qui le dites. Nawal Emmanuel, bonjour. Bonjour. Bonjour. Samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est donc tombé du bateau familial dans la Sambre. C'était une balade ensoleillée qui tourne donc au cauchemar. Reprenons les éléments un à un et puis on verra si les parents ont une responsabilité. Les enfants, visiblement, dont ce petit garçon, Nawal, sont seuls à l'arrière. Mais le bateau est petit. Est-ce que sur papier, c'est d'une gravité extrême ? Ils sont à l'arrière, les parents à l'avant, mais le bateau est petit. Mais justement, le bateau est petit. C'est ça qui est inquiétant dans cette affaire, c'est qu'on parle de défaut de prévoyance. Bon, si on est dans une maison avec plusieurs chambres à l'étage, on peut se permettre de ne pas s'apercevoir d'une situation pendant 15 minutes. Ici, sur un petit espace pareil, je me demande comment pendant 15 minutes, on ne voit pas cela. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est un comportement classique, normal, Manuel, de laisser les enfants jouer pendant plus de 15 minutes. Donc, on les laisse loin du regard parental. Donc il y a eu tout le moment de jeu, les parents n'ont pas vu. Il y a le moment où ils tombent, les parents n'ont pas vu. Et puis il faut un quart d'heure avant qu'on se rende compte que ça arrive, qu'on laisse les enfants sans regard parental aussi longtemps ? Non, un principe c'est il faut voir ses enfants, qu'on est par exemple dans un parc ou dans un lieu public, et il faut que les enfants nous voient. Voient leurs parents où ils sont. Dès qu'on ne se voit plus, il peut avoir un danger. Ici, comme Nawal le dit, on n'est pas n'importe où. Si on était dans une maison, on laisse les enfants à l'étage, mais on se préoccupe que les fenêtres sont fermées. On sait que quand même, une des causes mortelles les plus importantes, c'est les défenestrations pour les enfants. Donc on ferme les fenêtres. Bah, sur un bateau, on sait qu'on peut tomber dans un bateau. N'importe qui peut tomber, pas uniquement les enfants. Donc c'est typiquement le lieu où il faut redoubler de évidemment, prudence. Dès qu'on monte sur le bateau, c'est hélas, même si c'est pour du plaisir et pour un moment de détente, il faut hélas prévoir qu'il peut y arriver, qu'un accident peut arriver. Donc il faut être vigilant tout le temps. La question aux parents que vous êtes ou que nous sommes tous potentiellement, il faut 15 minutes avant de se rendre compte qu'un enfant n'est plus là. Et le premier élément donné par les sapeurs-pompiers est que le bruit du moteur empêche visiblement à l'alerte d'être audible par tout le monde. Ça paraît dingue, ça, Nawal. Ça paraît dingue, ça paraît extrêmement long, 15 minutes, encore une fois, sur un petit espace pareil. Si la petite fille, visiblement, a essayé de crier et n'était pas entendue, ça veut dire que les parents, je ne sais pas, étaient enfermés dans la cabine. Dès lors qu'ils sont enfermés dans une cabine qui laisse quand même un enfant de 8 ans, on n'est pas là face à un enfant de 12, 13 ans. 8 ans, je ne sais pas quel âge a la gamine, peut-être encore plus jeune. Donc oui, c'est logique qu'on fasse ici... qu'on appelle un défaut de prévoyance et de responsabilité. C'est logique que la justice réagisse comme ça. Ce ne sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, on est en droit de se poser la question. Je voudrais votre commentaire là-dessus, Manuel, parce qu'effectivement, on n'est pas dans une situation où l'alerte est donnée rapidement et puis, fatalité, on ne retrouve pas l'enfant. Ici, il faut 15 minutes avant de s'apercevoir que quelque chose s'est passé. 15 minutes, c'est long ou pas long? Oui, mais évidemment, c'est long sur un espace de, vous disiez, 5 mètres. 5 mètres, ce bateau à 5 mètres de long, a priori. Donc, je dis, là, l'enfant, là, quoi, un des deux... j'ai trois enfants. La petite fille crie, mais le bruit du moteur couvre. Mais elle se déplace pas. Bon, voilà. Donc ça, c'est tout. Non, moi, ce qui m'étonne, mais je dis, on est dans une société ultra sécurisée par rapport à notre enfance ou celle de nos parents ou des autres générations, où il y a toute une série de choses. On faisait du vélo sans casque, sans veste fluo. Bon, je dis, il y a vraiment la sécurité est devenue même un business. Et donc, voilà, on n'arrête pas. Eh bien, il y a quand même des accidents. Donc, ça veut dire qu'il y a un défaut aussi de prévention, de prévoyance et de responsabilité des parents, mais aussi, je pense, de manière générale, un défaut, une fois de plus, systémique, un problème d'éducation générale par rapport au danger. On va demander un avis à Oupay. Jean-Marc est en ligne, bonjour. Bonjour. Samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est tombé du bateau familial dans la Sambre et les parents s'en sont rendus compte 15 minutes plus tard. Est-ce que ces parents, Jean-Marc, ont une responsabilité, d'après vous? Bien sûr. Laquelle? Malheureusement, je suis papa aussi d'un petit garçon et je me posais la question de savoir pourquoi cet enfant ne portait pas, je ne connais pas le code maritime, mais ne portait-il pas un gilet de sauvetage, tout simplement. Oui, visiblement, il était sans le gilet. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de l'habitude? Ce bateau, ce n'est pas la première fois qu'il le prenait. Non. Non, il n'y a pas d'habitude. En tant que parent, on doit conserver une vigilance et une prévoyance en permanence. On n'est pas devant un accident malheureux qui peut se produire ou un incident. Ici, c'est une tragédie. Je voudrais votre avis sur la localisation et vous me dites si elle est classique. Des parents à l'avant, un enfant derrière, des enfants derrière, et pendant plusieurs minutes, on ne jette pas de regard sur l'enfant. Ce n'est pas quelque chose que tous les parents font, à un moment, oublier de jeter un regard? Honnêtement, surtout sur un bateau, en tout cas, je parle, c'est mon avis personnel, je pense que non, il y a déjà un souci que des enfants jouent avec un ballon sur un bateau de plaisance, on n'est pas sur un bateau de croisière, et comme je l'ai dit, que des enfants ne portent pas de gilet de sauvetage à 8 ans, c'est dangereux. Je retiens que le ballon, pour vous, ce moment de jeu est une erreur en soi. Sur le délai, il faut 15 minutes sur une embarcation de 5 mètres de long pour se rendre compte que quelqu'un a disparu. Vous pouvez comprendre ça ou vous ne comprenez pas ça? Non. Non, non, c'est malheureusement dans ce genre de situation, 15 minutes, c'est trop long. C'est très, très long. Et voilà, maintenant, j'ai envie de dire, je ne m'étonne plus de rien quand on entend qu'aujourd'hui, on peut oublier un enfant dans une voiture. Par 40 degrés. Donc malheureusement, on est de plus en plus devant ce type d'accident et voilà, ça remet en cause bien évidemment. Il y a une responsabilité, la responsabilité inculque aux parents de porter. On a l'obligation de veiller sur nos enfants, sur la sécurité de nos enfants. Donc il n'y a pas de doute chez vous, le message est clair. Il y a une responsabilité parentale. Je termine rapidement, Jean-Marc, autour de la table et on verra si la conversation s'impose tout à l'heure. Est-ce que c'est pas cher ou mal payé? Voilà que la justice, Nawal, ouvre une instruction avec des mots durs pour des parents quand même. Défaut de prévoyance, défaut de précaution.

Il a été choisi, à mon avis, sur une bonne base, et donc une base professionnelle, et pas uniquement pour faire le buzz et qu'on parle des Diables Rouges. Et s'il venait pas vraiment pour nous, s'il venait simplement se faire une carte de visite comme entraîneur, une réputation pour aller ailleurs après, oui. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'être instrumentalisé ? Mais c'est lui, mais surtout, c'est... alors ça vaut peut-être la peine de faire une petite enquête de journalisme d'investigation, et dans le football c'est nécessaire, plus que nécessaire même, c'est de savoir mais qui a été le chercher, comment ça s'est passé, qui est... candidature spontanée. Hein. Oui, c'est ce qu'on... Oui. C'est ce qu'on dit, il a postulé de lui-même. Oui, bien sûr, mais donc il a été choisi, et je pense pas qu'on va prendre le risque de l'engager uniquement parce qu'il a un beau nom et qu'on va en parler dans les médias. J'affine la question, mais c'est la même, Nawal. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là, qui touche des millions comme consultant en foot sur Sky Sport en Angleterre, vient faire comme T3 à 100 000 par an, sans expérience de coaching? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais effectivement, peut-être remplir son CV, mais quand bien même il n'a jamais été coach de sa vie, il viendrait s'entraîner chez nous, où serait le mal, je veux dire, à ce moment-là, on profiterait de son expérience, et même s'il va ailleurs, ça prouverait qu'il est bon, et on tire le positif de ça. Où est le souci si cet homme a envie de commencer justement par notre équipe comme troisième entraîneur? Il n'est pas entraîneur principal, donc c'est très bien, je trouve, de commencer par là. C'est la preuve d'une modestie, donc sa candidature spontanée visait non pas le poste de premier entraîneur, mais bien d'entraîneur adjoint, et ici il était T3, mais il avait postulé comme T2. C'est la preuve d'une modestie pour moi, justement, c'est commencer par le bas, et c'est très très bien, moi je trouve que c'est une bonne chose, pour nos Diables aussi, qui à mon avis, le respecteront aussi davantage qu'un Mark Wilmot, puisqu'il est quand même de leur génération, il a quand même gagné des trophées qu'eux ont connus, des Coupes du Monde qu'ils ont connues, donc à mon avis, ils l'admireront davantage qu'un Wilmot. Ah, il y a polémique dans la presse de ce matin, j'aurais votre avis là-dessus, Manuel, c'est que dans ses premières interviews, Thierry Henry dit « je vais travailler la mentalité de cette équipe Diable Rouge », sous-entendu, il y a un problème mentalité. Or, la tonalité dans les journaux du groupe Sud Presse et Le Soir ce matin, c'est « vous connaissez mal les Diables, monsieur Henry, il n'y a pas de problème de mentalité chez nos Diables ». Donc ça colle pas. Est-ce qu'il y avait un problème de mentalité chez nos Diables? À mon avis, c'est peut-être une méconnaissance ou une bonne connaissance de l'équipe. Non, il est obligé de marquer sa marque, hein, aussi en tant que nouveau. C'est quand même un nouveau propriétaire, locataire ou propriétaire. Il veut repeindre à sa façon, redécorer les choses à sa façon. Donc je pense, voilà, il devait. Bon, c'est peut-être pas le bon argument. Maintenant, on verra par la suite. Mais voilà. On demande un avis à Charleroi dans ce cas. Gaëtan, bonjour. Gaëtan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes là. La surprise de l'Union belge, Thierry Henry en troisième entraîneur des Diables. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là vient faire chez nous? À mon avis, pas grand-chose. Parce que il n'a jamais rien prouvé en tant qu'entraîneur. La Belgique a besoin de résultats. Donc, elle a besoin aujourd'hui de regarder devant soi, avoir des résultats, gagner. Et ce que moi je dis, c'est que c'est encore un anglophone, malgré qu'il est français, mais la Belgique est devenue anglophone. Oui, mais on a quelques Diables qui jouent en Angleterre quand même, donc ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui connaît bien le championnat anglais. Ah oui, mais qui parle aussi anglais. Donc tout le monde va parler anglais maintenant. On parle plus néerlandais, on parle plus français, on va parler tous anglais. Ah, il a des connaissances de français et d'espagnol, ce qui pourrait aider Roberto Martinez. Est-ce qu'il peut nous servir quand même? Il a une connaissance de l'attaque, une connaissance de la mentalité, il a gagné des grands tournois. Est-ce que ça peut servir à nos Diables? Il y a une grande différence en étant grand joueur et entraîneur. Il n'a jamais rien prouvé. Pour lui, c'est bien parce qu'il va avoir une carte de visite dans le futur. Comme ça peut être positif, comme ça peut être négatif, parce que si les résultats ne sont pas là à ce moment-là, ça va être très négatif pour lui. Donc moi, je pense que ce n'était pas une bonne chose. La Belgique aurait dû engager, surtout en T3, un bilingue français. Vous auriez voulu un Belge bilingue? Ah, bien sûr, on est en Belgique, on n'est pas en Angleterre. Donnez-moi un avis sur le trio. Donc nous voilà avec un trio inédit, Roberto Martinez, Graham Jones et en T3, Thierry Henry. Trois hommes qui, a priori, n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. Ça colle ? Aucune expérience au niveau club de pays. Donc, ils ont de l'expérience, le T1, il a de l'expérience au niveau des clubs parce qu'il a entraîné en Angleterre

qui rencontre les plus grands de ce monde, qui est sur des dossiers hyper chauds pour le moment, avec une situation socio-économique pas terrible en Belgique, avec des enjeux à venir sur la table, s'occupe de règlements communaux. Les piscines, c'est les règlements communaux. Donc vraiment, ça, moi, c'est le premier étonnement, au-delà de pouvoir répondre si oui ou non. Ce n'est pas pour une tournure nationale. Mais, hein. Oui, bien sûr. Prendre une tournure, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? En France, il y a des aires de piscine réservées depuis un certain temps pour les femmes, et notamment de confession juive, et pas réservées à elles, donc réservées aux femmes. Et évidemment, il y a d'autres femmes qui en profitent, par exemple des femmes qui sont bien importantes, on va dire, et qui ne veulent pas aller à la piscine pour éviter les moqueries, qui vont à ce moment-là. On n'en parle pas, et ça se fait depuis des années et des années. C'est un débat qui revient au devant de la scène à l'occasion de cette petite phrase de Charles Michel, qui a donc à la manche ordie de se prononcer. C'est pas légitime d'avoir des heures de piscine réservées aux femmes, et on sait que souvent la demande est si pas teintée de religion, c'est souvent aussi lié à la religion. C'est pas légitime que les femmes aient des heures de piscine réservées? Mais légitime, je ne sais pas, mais en tout cas c'est envisageable, et à partir du moment où ça ne dérange personne, je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas se faire. Légitime, je n'irai peut-être pas jusque-là. Maintenant, j'ai l'impression que justement, après l'affaire du burkini, chaque politique a besoin de se positionner sur son interdiction. Et comme Charles Michel sait très bien qu'il est impossible d'interdire le burkini, ben voilà, comme s'il avait eu besoin de dire, ben voilà, moi je ne me positionne pas là-dessus, mais sur les piscines, ce sera interdit. Pourquoi, bon sang, est-ce que tout le monde a besoin de poser comme ça des interdictions? Parce que si on fait ça, les démocrates ont perdu, dit-il. Si on permet un accommodement raisonnable qu'est la piscine réservée aux femmes, les démocrates ont perdu. C'est ce que dit Charles Michel. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais non, pas pour ce cas précis en tout cas. Je ne vois pas en quoi les démocrates perdraient si, je ne sais pas moi, est-ce que les piscines sont occupées 24 sur 24? Est-ce que là, il ne s'agirait pas de 2 heures par semaine où la piscine, de toute façon, n'est pas utilisée par les écoles? Donc, en quoi est-ce que ça poserait un réel souci? Je ne le vois pas. Il dit autre chose, Manuel. Il dit, OK, si on fait un accommodement raisonnable avec des heures de piscine réservées, eh ben alors on fait le lit des plus extrémistes radicaux. Dit Charles Michel. Oui, mais une fois de plus, c'est des beaux mots, c'est des mots qui séduisent ou qui font peur, et donc ça attire les regards, et c'est peut-être ça qui est important. Mais c'est la question, c'est mais quel est le problème? À la limite, il faut poser la question aux femmes qui ne veulent pas aller dans les piscines. Alors, c'est pour des raisons religieuses, on dit, ben voilà, c'est des dogmes, hein, on dit c'est inscrit comme ça, donc il faut le faire, etc. Et puis, il y a un autre problème, je crois que c'est surtout le regard des hommes, et donc, elles sont effectivement la drague, le regard des hommes, ou l'impression que... Et donc, il y a une chose qu'on oublie, c'est l'éducation, il n'y a pas d'alternative. La raison, c'est on fait des heures ou on interdit les heures, bon, peu importe, mais c'est toujours des aspects limitatifs et répressifs. Il y a la question de l'éducation. Si des filles se promènent en foulard, c'est parce que les hommes, certains nous disent, c'est parce que les hommes nous regardent, c'est pour éviter qu'on nous regarde. Non, il faut éduquer les hommes à effectivement ne pas harceler les femmes en rue. On parle du harcèlement de rue. Et donc, il y a un travail d'éducation en disant, mais voilà, c'est égalité homme-femme. Et une femme a le droit d'aller à la piscine et c'est pas un lieu de drague. Il y a d'autres lieux, il y a sur Internet et ailleurs. Et voilà, donc une question de respect et d'éducation. C'est vous qui le dites à Farcienne. Pascal homme ou Pascal femme en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Pascal Homme. Pascal Homme. Dans la foulée du débat burkini, Charles Michel refuse les accommodements raisonnables, comme les heures de piscine réservées, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec Charles Michel? Tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Et pourquoi vous ne voulez pas un petit accommodement raisonnable? Parce que ça fait logique des extrémistes musulmans, parce que c'est chaque fois des demandes supplémentaires qu'ils font. Et de plus que la majorité de la population musulmane n'est pas comme ça. Mais il y a une demande, vous voyez bien que de piscine en piscine, il y a parfois une demande d'espace et de moments réservés aux femmes, et pas que pour des raisons religieuses. Oui, mais bon, le burkini, c'est les femmes, elles vont à la piscine, mais ça, le burkini, c'est... Oh, mais c'est pas forcément lié au burkini, hein. Donc c'est dans la foulée de ce débat burkini, il y a une autre polémique que réanime donc Charles Michel, c'est ce moment où la piscine est réservée aux femmes, point. Ben, moi, je ne suis pas vraiment d'accord de vous réserver aux femmes, puisque oui, on va encore faire des cases à la population. Mais le mot dit ce qu'il dit, c'est pas un renoncement de réserver une piscine aux femmes, c'est un accommodement raisonnable. Vous aimez pas le petit accommodement, le petit arrangement raisonnable? Non. Mais on n'a pas, dans la vie, on n'a pas toujours le choix, c'est comme ça. On a créé des écoles mixtes, ben voilà, ça fonctionne bien. Et la femme, voilée ou non, qui du coup n'ose pas aller à la piscine parce qu'il y a le regard des hommes. Vous lui dites, tant pis, vous n'irez plus jamais à la piscine, madame? Ben, il suffit comme dit, c'est une question d'éducation. S'il faut changer les mœurs un petit peu. Ah ben en attendant, les mœurs n'ont pas changé. C'est à mœurs égales qu'on va faire cette conversation. Pascal, vous êtes d'accord avec Charles Michel? Rapidement, alors, qu'est-ce qu'on dit à ces femmes si on supprime les heures réservées aux femmes? Qu'est-ce qu'on dit à ces femmes qui voulaient aller nager dans ces heures-là, Nawal? Mais il y a des piscines privées aussi. Qu'est-ce qu'on dit à ces femmes? Ben, malheureusement, enfin, moi, je trouverais ça dommage de dire non à ces femmes. Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle demande? Je ne suis pas certaine non plus, parce qu'il y a des salles de sport privées qui avaient à un moment réservé des heures aux femmes et ça n'a pas du tout marché. Donc, est-ce que la question mérite d'être poser maintenant, ou est-ce qu'il fallait à tout prix qu'un politique se positionne dans ce débat pour exister? Je pense que c'est plutôt ça et c'est ça qui est malheureux. Votre sensation, il y a une demande? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Nawal. Moi, je pense que parfois la demande et quoi, l'offre crée la demande et puis il y a pas de demande pour finir. Et donc c'est des politiciens qui utilisent ou qui parlent de ça pour pas parler d'autre chose. C'est des journalistes qui, par effet de mode, mais à tout politicien, on va poser la question sur le burkini et puis ça devient sur les accommodements raisonnables dans les piscines. C'est le sujet comme c'était le sujet numéro un. Donc je pense peut-être qu'effectivement on n'est pas face à un phénomène, mais à un épiphénomène. Et donc, si c'est le cas, il faut pas en parler. À vous de vous prononcer, Nawal Ben Salem, Manuel Abramovitch. Bonne journée, messieurs, dames. Bonne journée. Au revoir. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est tombé du bateau familial dans la Sambre et les parents s'en sont rendus compte 15 minutes plus tard. Ont-ils une responsabilité? Ensuite, la surprise de l'Union Belge, Thierry Henry en troisième entraîneur des Diables. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là vient faire chez nous et est-ce que ça va nous servir? Et puis dans la foulée du débat burkini, Charles Michel refuse les accommodements raisonnables comme les heures de piscine réservées par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? 070 233 466 par SMS au 3063. Tubize en ligne. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous qui êtes administrateur d'un club de bateau, samedi à l'aube, il y a un petit garçon de 8 ans qui est à l'arrière du bateau, 5 mètres de long et les parents devant. Ça, c'est une situation banale ou pas? C'est une situation, je dirais, tout à fait normale. La Sambre est une voie d'eau navigable et également, on peut y faire de la navigation de plaisance. Bon, il fait chaud, je comprends très bien que par un temps pareil, il est très agréable d'aller se mettre au frais. Un bateau comme celui-là, un petit bateau de 5 mètres, ça va vite un truc comme ça ou ça va pas vite? Ça peut aller vite, oui. Maintenant, il faut bien prendre en compte la situation. On est sur la Sambre. La Sambre, la vitesse est limitée. On ne peut dépasser plus de 8 km/h, ce qui veut dire qu'on est obligé de naviguer quasi à pas d'homme. 5 km/h, c'est la vitesse à laquelle une personne se déplace quand elle fait du shopping. Ok, donc ça va lentement. Mais comment, avant la chute de l'enfant, comment des parents sur un si petit espace peuvent perdre le contact visuel avec l'enfant? Il y a moyen de ne pas voir la plage arrière? Mais pour ceux et celles qui ont vu l'image du bateau, c'est un petit bateau, petite cabine à l'avant et encore un petit espace plus en avant. Il est probable que si naturellement tout le monde regarde ce qui se passe à l'avant, les adultes majoritairement, on ne prête pas attention à ce qui se passe à l'arrière. Mais sur un espace aussi confiné, avec une vitesse adaptée, c'est-à-dire en dessous des limitations autorisées, il est impossible qu'on n'entende pas les cris d'un enfant qui est situé à moins de 5 mètres. Ah, il paraît qu'il y a un bruit de moteur, donc je vous demande un oui ou un non. Les parents ont-ils une responsabilité, Dominique? Je pense bien. Ah, c'est un « je pense bien » que vous nous donnez avec une petite expertise technique. On verra si la conversation s'impose tout à l'heure. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Et toujours ces travaux qui vous ralentissent sur le ring 3 de Charleroi en direction d'Épigny. 15 minutes supplémentaires sont nécessaires entre Montigny-le-Tilleul et Châtelet. Un accident sur le 411 qui relie Namur à Arlon, un peu avant Lavaux-Sainte-Anne. La bande de gauche est neutralisée. Il y a quelques ralentissements en amont de cet accident en direction d'Arlon. Et puis un chantier vous ralentit en province de Liège, le célèbre chantier de Cherat entre Aix-la-Chapelle et l'échangeur de Loncin. La circulation est ralentie sur 7 km à partir de Blegny. Vous ajoutez 15 minutes à votre temps de parcours pour rejoindre Bruxelles. Toujours 30 minutes supplémentaires sont nécessaires en venant de Namur sur le 411 entre Overijse et le carrefour Léonard. Et puis 15 minutes aussi sur le 40 qui vient de Liège où les ralentissements commencent à Everlé jusqu'à Woluwe-Saint-Etienne. Sur le ring, ça va beaucoup mieux. 10 minutes en plus en circulation extérieure entre Ytre et le carrefour Léonard. Même temps de parcours à ajouter entre Grand Bigard et Zaventem pour la circulation intérieure du ring. Les ralentissements au cœur de Bruxelles sont plutôt habituels et sont de retour. Et puis un véhicule est en panne à la sortie du tunnel Georges-Henri. La bande de gauche est neutralisée vers Mézières où là vous êtes un peu plus ralenti, c'est vrai. Si vous quittez la Belgique pour vous diriger en France via le 17 envers Lille, 15 minutes supplémentaires avec des ralentissements à partir d'Albeek. Et puis pour terminer, c'est sur la Nationale 25 qu'un chantier vous ralentit à hauteur de Bouzeval, des files sur 4,5 km en direction de Corbeil. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous irons à Liège. Jean viendra nous dire s'il est d'accord avec Charles Michel. Pas d'accommodement raisonnable, pas d'heure de piscine réservée aux femmes. Point. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un événement convivial, une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché, Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood, BJ Scott, Steve Barrow, Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Pendant les 13 semaines du Beauvélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'Avenir.net et la Wallonie. Vivacité vous invite à l'avant-première de Ben-Hur avec Morgan Freeman. Ma famille a été trahie par mon propre frère. Pour y assister le 6 septembre à Bruxelles et Liège, téléphonez au 0905 56 472, 50 cents par appel. Si ton frère fait la fierté de Rome, en le battant, tu vaincras un empire. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Septembre de 3-3-4-6-6 sur la table, Zoé, la surprise de l'Union Belge, Thierry Henry en T3 des Diables. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là vient faire chez nous? Et est-ce que ça va nous servir à ce propos? À ce propos, j'ai eu Jackie de Rochefort. Thierry Henry a toujours été fan de la Belgique. Selon Jackie, l'argent, il n'en a pas besoin. Ces gens-là se foutent du salaire quand il jouait. Et il était tout simplement un des plus meilleurs attaquants. Il a marqué plein de buts et il va apprendre plein de choses à nos attaquants, nous dit Jackie. Il y a eu aussi Bruno de Stavelot qui nous donne un deuxième avis. Pour lui, c'est une stratégie. C'est pour prendre du galon, hein. Thierry Henry a l'impression de faire une bonne action, mais en vrai, il s'est bradé pour pouvoir ajouter une ligne à son CV. Il s'est bradé, on verra si on peut mener ce débat plus longuement dans la deuxième partie. C'est vous qui le dites, Liège. Jean, bonjour. Bonjour Benjamin. C'est donc dans la foulée du débat Burkini. Charles Michel refuse les accommodements raisonnables comme les heures de piscine réservées aux femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, je ne suis pas fan de Charles Michel, mais sur ce cas-là, je suis parfaitement d'accord avec lui à 100%. Pourquoi les femmes ne peuvent pas avoir d'heures réservées à la piscine? En quoi ça vous fait du mal? En quoi ça nuit à nos démocraties? En quoi ça nuit à nos valeurs? Écoutez, Benjamin, ça nuit à nos valeurs parce que depuis quelque temps, on nous a appris un nouveau terme, le sexisme. N'est-ce pas ça le sexisme qu'on est en train d'appliquer? Alors, dans les écoles, qu'on sépare aussi les garçons des filles. Attendez, il y a des moments où la piscine reste mixte, hein? C'est juste un petit accommodement raisonnable. Une fois à l'occasion, parce qu'il y a une demande, on réserve des heures aux femmes. Raisonnable, ce sont des termes qu'on trouve toujours pour essayer d'améliorer, de justifier. Écoutez, c'est de la bêtise. Je ne sais pas, chaque fois on fait des concessions aux musulmans, chaque fois des concessions. Nous allons arriver jusqu'où avec ça? Oui, mais vous avez entendu, c'était pas que les femmes musulmanes. Il n'y a pas que les femmes musulmanes qui en profitent. Il y a des femmes aux rondeurs complexées qui profitent de ces moments de piscine. Oui, mais c'est toujours... Moi, je permets ça maintenant, j'appelle ça du sexisme. Parce que maintenant, draguer une fille, ou parler des femmes, on nous dit vous êtes sexiste. Eh bien, ça, c'est du sexisme. On nous prône l'égalité. Eh bien, nous devons rester égaux devant tout. Jean, cette femme, cette femme musulmane ou cette femme chrétienne et ronde qui profitait des heures de piscine réservées, à ces deux femmes, vous dites, eh bien, vous n'irez plus à la piscine, point. Mais écoutez, et demain, qu'est-ce qu'on va nous proposer ? Alors, à ma question, vous répondez par une question. Jean, vous êtes à Liège, on verra si on peut aller plus loin tout à l'heure. Woluwe Saint-Lambert, maintenant. Johan, bonjour. Bonjour. La surprise Union Belge, Thierry Henry, en troisième entraîneur des Diables. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là vient faire chez nous ? Bah, il a un gros avantage. Il travaille en Angleterre. Donc, quand vous voyez le nombre de joueurs belges qui sont là-bas, qui jouent là-bas, lui, il peut avoir un regard permanent sur la première ligue anglaise. Donc, pouvoir les voir à l'entraînement, en dehors des entraînements, après les matchs, donc prendre un peu la température, mesurer un peu leur forme et donc être un œil extérieur pour Martinez. Il y a juste un petit problème déontologique pour certains. C'est comment on peut, pour la chaîne Sky Sport, commenter les prestations des Diables et parfois être très critique, c'est ça le job d'un consultant. Comment on peut faire ça le matin et puis le soir, entraîner les mêmes Diables rouges qu'on a commentés le matin? Ça va pas, ça? Oui, mais il n'est jamais que T3. Et puis quand bien même, vous ne croyez pas qu'un entraîneur, il est critique envers ses joueurs, c'est pas le pays des bisounours, hein. Il n'est pas en train de dire, un entraîneur, il ne va pas dire à ses joueurs, tu es le plus beau, tu es le plus fort en permanence. Il peut le féliciter quand il est bien, quand il est en forme, quand il donne tout. Et s'il traîne la patte, il va l'engueuler comme n'importe quel bon entraîneur, soit en minime ou en équipe nationale. Hein. Soit vous me dites qu'il y a un T3, même si c'est Thierry Henry, ça ne sert à rien. Soit la rumeur et l'info donnée tout à l'heure par Thierry Luther, c'est correct. Il va s'entraîner spécifiquement, il va s'occuper des attaquants. C'est une bonne chose ou c'est gadget ? Non, c'est pas gadget. Je me demande si ça existait déjà sous l'ère Wilmots, mais je sais qu'il y a pas mal d'autres équipes nationales. J'ai en tête, par exemple, Kluivert qui occupait ce rôle dans l'équipe nationale néerlandaise. Donc, qu'il y ait des structures plus spécifiques pour les attaquants, les défenseurs. Il y a bien un entraîneur spécifique pour les gardiens de but. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un gars avec une mentalité d'attaquant? Parce que Dieu sait qu'il a fait ses preuves dans ce domaine-là. C'est pas gênant de prendre le mec qui, le 18 novembre 2009, dans le match retour barrage contre l'Irlande, met sa main, contrôle le ballon de la main gauche qui permet à la France après de se qualifier pour l'Afrique du Sud. Cette casserole-là, elle est encore dans tous les esprits. C'est pas gênant de prendre ce mec-là ? Moi, allez, non. C'est vraiment revenir sur d'anciennes polémiques et franchement, tout le monde s'en fout, hein, y compris les joueurs eux-mêmes. Ah, je vous dis que c'est la tonalité dans la presse depuis samedi. Hein, et certains l'ont écrit avec beaucoup d'ironie. Thierry Henry vient nous donner un coup de main avec le AA nécessaire, entre parenthèses. C'était partout dans la presse ce week-end. Johan, vous voilà plutôt satisfait, là où tout à l'heure, on a bien compris qu'il y avait des doutes sur l'arrivée de Thierry Henry comme T3. On marque une nouvelle pause, et dans un instant, vous nous direz si les parents sont responsables. Samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est sur un bateau à l'arrière, et il tombe dans l'eau. Viva ! Viva Bruxelles présente... Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. La 2, en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les deux premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois, sans doute ? Ou non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h, sur Viva Bruxelles. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Est-ce que vous reconnaissez ceci ? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? On croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? On croit rêver de 23h à minuit avec Régine Dubois et Vivacité la nuit avec Bernard Dewey. Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? Et au 0 70 233 466, dans la foulée du débat burkini, Charles Michel refuse les accommodements raisonnables comme les heures de piscine réservées. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Zoé, à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Yves d'Herve, il est d'accord avec Charles Michel. Hors de question d'aménager des horaires de piscine pour des raisons religieuses. Que les nageurs soient musulmans, catholiques ou hindous, tout le monde doit se plier au même règlement intérieur et c'est tout. La piscine municipale est un lieu public, selon Yves, où la religion est bannie. Il nous rappelle que la natation, les jeux d'eau sont là pour rassembler, pour parfois créer des et non pour diviser. Les enfants, les adultes, qu'importe leur sexe, oublient leurs différences une fois en maillot de bain. Et selon lui, ça doit rester comme ça. C'est vous qui le dites à Rode-Saint-Genèse. Martha, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Ça fait plus de 40 ans que vous faites du ski nautique. Vous connaissez donc l'eau. Samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est tombé du bateau familial. Absolument. Dans la Sambre et les parents s'en rendent compte 15 minutes plus tard. Oui. Avant de nous dire s'ils ont une responsabilité, d'abord un avis général. Est-ce que c'est classique dans la vie de papa, maman, enfant qu'on soit sur un bateau et qu'on ne jette plus un œil sur les enfants? Ça peut être classique, ça dépend du monde qu'on prend dans son bateau, mais ça peut arriver aussi simplement par la vitesse, le tournant, quelque chose, un enfant qui pousse un autre, donc voilà, ça c'est mon premier avis. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était Emmanuel et Nawal qui disaient ça, que sur un endroit, un lieu comme ça, c'est-à-dire un bateau, une petite surface, on doit tout le temps avoir le contact visuel avec l'enfant, vrai ou pas vrai? Mais je pense qu'on est occupé à piloter aussi. Nous avons des skieurs derrière, nous regardons devant pour voir s'il n'y a personne. On ne peut pas tout le temps avoir un œil sur un enfant comme partout dans la vie. Je pense même autour d'une piscine, c'est le même danger. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que depuis 40 ans que je skie en camping, donc au nord d'Anvers, nous n'avons pas un enfant qui nage pas ou mal. Apparemment, cet enfant ne savait pas arriver à la berge sans mettre des bouées, des brassards ou un life jacket à cet enfant. Apparemment, ici, il n'y avait pas de gilet de sauvetage. Ah, voilà. Alors, où est l'erreur? Est-ce que c'est eux qui étaient propriétaires? Est-ce que c'est le propriétaire qui aurait dû leur fournir? Mais un enfant de 8 ans qui nage apparemment pas bien ne peut pas monter dans un bateau sans life jacket. Répondez à cette question, parce que c'est la justice qui ouvre une instruction pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. Les parents peuvent avoir une responsabilité là-dedans? Mais clairement. Évidemment. Ah, c'est clair. On ne prend pas un enfant dans un bateau sans brassard ou sans life jacket. Mais 8 ans ou 10 ans, s'il ne sait pas nager assez bien pour arriver à la berge, ben, il faut le munir de bouée, quoi, simplement. C'est pas la double peine, ça? Voilà des parents qui perdent un enfant et la justice qui sous-entend qu'il y a peut-être eu défaut de précaution. C'est pas la double peine? Oui, c'est assez dur. Je pense que c'est assez dur, mais c'est la réalité. Nous, les enfants sortent de la voiture, arrivent au lac, sortent de la voiture et sont munis de brassards ou de life jacket. Et certainement quand ils montent dans un bateau. Maintenant, est-ce qu'eux sont propriétaires? Est-ce que c'est le propriétaire du bateau qui aurait dû leur fournir des life jackets? Mais il est évident que cet enfant aurait dû être muni de quelque chose qui le fasse flotter. Bon, si vous souhaitez cette conversation dans la deuxième partie, vous n'avez pas encore vu l'image du bateau, notamment dans les JT du week-end, elle est disponible via la Une Télé si vous nous regardez, puisqu'elle est dans Mondo régulièrement. Elle est également disponible sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. On verra si on va plus loin à Martha tout à l'heure. On regarde vers l'avant dans un bateau, donc normal de ne pas voir l'arrière. Nous sommes maintenant à Orbe-Jauge. Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Surprise de l'Union Belge. Thierry Henry en T3 des Diables. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là vient faire chez nous? Ben, il peut nous aider avec son expérience en tant que joueur. Et maintenant, il vient d'avoir son diplôme d'entraîneur. Donc, il peut tout à fait nous aider avec ce qu'il a côtoyé comme entraîneur. Oh, mais ça va servir. Il n'est pas T1, il n'est pas T2, il est T3. Le T1, c'est Roberto Martinez. C'est lui qui, dans le fond, est vraiment à la manœuvre. Oui, mais il peut suggérer des choses aux deux entraîneurs adjoints, déjà. Est-ce qu'on avait besoin d'un homme sans expérience? Bien sûr, Thierry Henry, c'est un palmarès, c'est une aura médiatique, sinon on n'en parlerait pas. Mais est-ce qu'on n'avait pas plus besoin d'un homme d'expérience, peut-être belge et peut-être bilingue? Je l'ai entendu tout à l'heure, ça. Qu'il soit belge, espagnol, peu importe, du moment qu'il peut nous aider à avec son expérience. Donc, c'est ce qu'on recherche, avoir du beau jeu et gagner, évidemment. Il vient quoi, Thierry Henry? Il vient pour apprendre? Il vient pour se faire une ligne intéressante sur le CV et rebondir ailleurs? Est-ce qu'il vient se servir de nous? Non, je ne pense pas. Il a toujours voulu entraîner, apparemment, d'après ce que j'ai vu hier sur Téléfoot. Donc, il gagne des millions. Donc, et pourquoi il a choisi la Belgique? Il gagne apparemment 100 000 euros par an. Ça fait 8 000 bruts par mois. Oui, c'est une cacahuète pour lui. Donc, il a voulu absolument entraîner. Et pourquoi la Belgique? Donc, c'est qu'il veut absolument... Donner votre choix. Parce qu'à un moment, il aurait pu se rapprocher au niveau du coaching d'Arsenal, et où se trouve le fameux Arsène Wenger. Et Arsène Wenger lui aurait dit, écoute, moi, je veux bien que tu viennes, mais alors il faut arrêter de commenter le sport sur Sky Sport. On ne peut pas être coach et commentateur, consultant de foot. Est-ce que pour vous, Thierry Henry doit arrêter Sky Sport? Oui et non, parce qu'en même temps, il voit les joueurs, comment ils sont dans leur forme, comme un certain monsieur avant moi a dit. Mais je trouve que dans un sens, ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Ça peut être un atout, cette connaissance, ce regard qu'il a sur nos diables en Angleterre. Et Dieu sait qu'il y en a, évidemment. Christophe, on verra si c'est ce débat-là qui s'impose. À tout à l'heure. Viva ! Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Alors je te préviens tout de suite, cette année, c'est la mer, sinon rien. La séance VIP, c'est reparti, avec Valérie Lemercier et Cadmerade. Les vacances du petit Nicolas subies de l'italien, ce lundi soir sur la Une. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... vivacité. Alors demain, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Vivacité matin, info et bonne humeur, vivacité. Dès 4h30. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Le Flash avec Catherine Tonnerreau, bonjour. Bonjour à tous. La piste criminelle privilégiée après l'explosion survenue cette nuit à l'Institut de criminologie de Neder-Overembeek. Une voiture bélier est entrée sur le site. Une explosion et un incendie s'en sont suivis. Aucune victime à déplorer, mais les dégâts sont importants. Deux personnes ont été arrêtées dans les environs pour vérification. On ne sait pas à ce stade si elles sont impliquées dans ces faits. La piste terroriste est en tout cas a priori exclue. L'acte criminel vise vraisemblablement à détruire des pièces à conviction détenues par l'Institut. L'enquête est en cours. Les recherches reprennent ce matin pour retrouver Anthony, le garçon de 8 ans tombé dans la Sambre samedi soir, alors qu'il se trouvait sur un bateau de plaisance à hauteur de l'Aube, près de Charleroi. Ce matin, un hélicoptère va venir en renfort des pompiers plongeurs. C'est la rentrée cette semaine et notamment pour le groupe des 10 patrons et syndicats qui se retrouvent aujourd'hui à 17h. Parmi les gros dossiers sur la table, la réforme du temps de travail. Une bonne nouvelle pour les automobilistes bruxellois, le tunnel Stéphanie est rouvert à la circulation depuis ce matin. Le ministre bruxellois de la mobilité l'a fait savoir cette nuit. Ce tunnel était fermé depuis février. Ses plafonds ont été entièrement rénovés, un nouvel éclairage y a été installé. Coût de ces 7 mois de travaux, 1,5 million d'euros. En sport, tennis, c'est parti pour le dernier grand chelem de la saison, l'US Open. 6 Belges sont de la partie et 3 sont attendus sur les courts aujourd'hui. Il s'agit de Steve Darcis, Alison Van Uytvanck et Elise Mertens, qui n'a pas été gâtée pour sa première participation à un tableau final, puisque son adversaire au premier tour sera l'Espagnol Gabi Muguruza, troisième joueuse mondiale. En football, les Diables Rouges se retrouvent cet après-midi pour un premier entraînement en vue du match amical contre l'Espagne. Ce sera jeudi. Enfin, la météo est probablement la journée la plus nuageuse de la semaine. Quelques faibles pluies ne sont pas à exclure ce lundi, avec des températures qui ne dépasseront pas les 22 degrés avant de remonter et de culminer à 27 degrés sous le soleil en fin de semaine. On part sur les routes faire un point RTBF mobile info. Stéphane Piebeuf, un accident apparemment sur la E411. Effectivement, en direction d'Arlon, à hauteur de Lavaux-Sainte-Anne, la bande de gauche est neutralisée. Il y a des files en direction donc d'Arlon sur cette E411 Namur. Arlon, ça se passe mieux sur le ring 3 de Charleroi, où vous perdez à présent moins de 10 minutes entre Couillé et Châtelet en direction d'Épigny. Et puis sur le 40 Aix-la-Chapelle, Bruxelles, 5 km de ralentissement sont constatés à hauteur de Bleuny en direction donc de l'échangeur de Loncin en raison du chantier à Cherat. Les derniers ralentissements pour rejoindre la capitale concernent le 411 principalement. À partir de Voreil jusqu'à Léonard, vous ajoutez 15 minutes. Et puis sur le ring, on perd à présent moins de 10 minutes, tant en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem qu'en circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard. Et puis si vous devez quitter la Belgique pour vous rendre en France, des ralentissements sont constatés au poste frontière sur le 17 envers Lille, file à partir d'Albeck. Comptez 15 minutes de plus pour rejoindre la France. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on retrouve Benjamin Maréchal pour C'est vous qui le dites sur Vivacité. Merci Catherine, voici la deuxième partie de notre conversation. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, la question qui dérange. Samedi, un jeune homme de 25 ans, originaire de Châtelet, est mort noyé au barrage de l'Odeur, sur le lac de la Plate-Taille. C'est le deuxième incident en 10 jours, d'où la question qui dérange ce matin. Pourquoi l'Odeur n'augmente pas son nombre de zones de baignade autorisées, puisqu'on voit bien qu'il y a, un, une demande, deux, des gens qui nagent partout, malgré les panneaux d'interdiction. On voit bien que la demande est très très forte. Voilà la question qui dérange ce matin. Samedi, mort d'un jeune homme, et puis le 17 août dernier, c'est un garçon de 7 ans qui avait échappé de justesse à la noyade. Deux incidents. Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, eh bien on pourrait aller se renseigner auprès des services de pompiers qui sont intervenus lors des deux derniers incidents. On pourrait également aller du côté de l'équipe presse des lacs de l'Odeur pour se renseigner un peu plus sur ces zones surveillées. Vous connaissez bien les lacs de l'Odeur et la natation là-bas, notamment dans les zones interdites. Aidez-nous à construire l'interview de tout à l'heure. Laissez votre éclairage à Zoé au standard. Oui, et le problème de Liliane à Ciné, c'est que voilà, il n'y a pas de visibilité. Donc... dans cet endroit pour se baigner. Pour elle, il y a trop de courant froid qui provoqué par la turbine du barrage, et c'est ça qui rend tout simplement la baignade dangereuse. Samedi, un jeune homme de 25 ans originaire de Châtelet est mort noyé au barrage de l'Odeur. C'est le deuxième incident en 10 jours, d'où la question qui dérange. Pourquoi l'Odeur n'augmente pas le nombre de zones de baignade autorisées, puisqu'on voit bien qu'il y a une fameuse demande. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est tombé du bateau familial dans la Sambre et les parents s'en sont rendus compte 15 minutes plus tard. Ont-ils une responsabilité? La surprise de l'Union belge, Thierry Henry en troisième entraîneur des Diables. Qu'est-ce qu'un mec de ce gabarit-là vient faire chez nous et est-ce que ça va nous servir? Et puis dans la foulée du débat burkini, Charles Michel refuse les accommodements raisonnables comme les heures de piscine réservées par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Trois débats, Zoé, au 0 septembre 233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur ce drame. Samedi à l'aube, un petit garçon de 8 ans est tombé du bateau familial dans la Sambre et les parents ne s'en sont rendus compte que 15 minutes plus tard. Alors, ont-ils une responsabilité dans cet accident? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Et donc, dans ce dossier, vous l'avez bien compris, d'où la quantité d'appels. C'est bien une question de surveillance qui se pose, la surveillance des enfants, quand, à quelle fréquence, comment. Et puis aussi la question de la responsabilité, puisque la justice elle-même a ouvert une instruction dans ce dossier pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. Nous sommes donc samedi vers 19h, la famille vient de terminer son barbecue, part avec le bateau, c'est un petit bateau de plaisance, 5 mètres de long environ. Les enfants sont à l'arrière du bateau, les parents à l'avant. D'après un sapeur-pompier, les enfants jouent, un ballon serait tombé à l'eau. Bref, le petit garçon tombe dans l'eau, mais le bruit du moteur empêche une fillette présente de donner l'alerte. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard qu'on se rendra compte que le garçon n'est plus là. Les parents ont fait marche arrière, mais l'enfant est introuvable et les fouilles ont donc repris ce matin. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est un petit bateau, petite cabine à l'avant. Et encore un petit espace plus en avant. Il est probable que, si naturellement tout le monde regarde ce qui se passe à l'avant, les adultes majoritairement, on ne prête pas attention à ce qui se passe à l'arrière. Mais sur un espace aussi confiné, avec une vitesse adaptée, c'est-à-dire en dessous des limitations autorisées,

Imaginons une forme d'habitude. Vous regardez encore seconde par seconde? Oui, absolument. Je vous le dis, un enfant est imprévisible. Il peut se passer n'importe quoi sur une seconde, sur une minute. En plus, il n'avait pas de gilet de sauvetage sur un bateau. Oui, mais il y a la logique de la navigation. C'est que pour naviguer, il faut piloter. Quand on pilote, on regarde vers l'avant. On ne sait pas regarder vers l'avant et vers l'arrière. C'est impossible, ça. Ah non, mais qui navigue? La maman ou le papa? Les parents. Les parents ensemble naviguent. Il doit avoir un des deux parents qui regarde aux enfants pendant que l'autre navigue. Vous semblez me dire qu'il y a une responsabilité parentale. J'ai mal au cœur, très mal au cœur de le dire, mais oui. Est-ce que ce n'est pas la double peine, ça, Daniel? Est-ce que ce n'est pas la double peine? C'est pour ça que ça me fait mal au cœur de le dire. Vraiment, j'ai mal au cœur de dire ça pour les parents qui viennent de perdre un enfant. Et je souhaite aussi mes condoléances à la famille, mais c'est la responsabilité des parents. Si on prend des enfants à bord d'un bateau, il faut au moins leur mettre le gilet de sauvetage. Je voudrais votre avis sur ces deux éléments qui sont troublants. Une fillette donne l'alerte, mais il y a un bruit de moteur qui empêche d'entendre. Et on ne s'aperçoit de la disparition d'un enfant que 15 minutes plus tard. 15 minutes, Daniel. C'est beaucoup? Oui, mais c'est beaucoup. Et puis, c'est un enfant. Un enfant, le temps qu'il réalise, ce n'est pas un adulte. Il n'a pas le recul. L'enfant a peut-être crié pour son frère, mais avec le bruit du moteur. Mais si son frère avait eu un gilet de sauvetage déjà... D'après, car il convient encore de mettre du conditionnel, évidemment. D'après les sapeurs-pompiers, il n'y avait pas de gilet de sauvetage. Mais vous avez peut-être l'habitude de faire du bateau. Vous pourrez nous dire comment les enfants se comportent dans un bateau en ayant l'habitude ou en ayant fait du bateau pendant les vacances. Vous pourrez peut-être nous dire comment se comportent les enfants. Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir une certaine maîtrise de l'engin si c'est un bateau qu'ils utilisent régulièrement? Nous allons à Ransart. Patrick est en ligne. Bonjour. Vous étiez à proximité des faits samedi à l'aube sur la Sambre? Oui, tout à fait. Vous avez vu ce bateau? J'ai un collègue qui possède un bateau de plaisance. Il était amarré là pour le week-end. Donc voilà, on était à un barbecue sur le quai. Ce bateau-là, dont nous avons simplement une photo. Vous pouvez me le décrire? C'est une grande embarcation, c'est une large, longue, elle est comment? Non, c'est un petit canot moteur... Un petit cabinier de quoi, allez, 3-4 mètres. Et ils sont passés, et nous étions au coin une dizaine à table, et un des convives a compté le nombre de personnes qu'il y avait dans ce bateau. Ils étaient 10. Benjamin, ils étaient 10. 10 dans ce petit bateau de plaisance? Dans ce petit bateau, oui, oui, tout à fait. À défaut d'avoir une contre-information, je vous fais confiance, hein, Patrick? Bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais j'y étais en tout cas. Et mon convive, le convive qui est à côté de moi, les a bien répertoriés. Ils étaient 10. Pire encore, mieux encore. Hier, nous y sommes retournés, parce que bon, il faut savoir que quand il y a un accident, les écluses, sont fermées. Donc mon collègue, là, il attend qu'on puisse lui donner le feu vert pour y retourner. Donc je suis retourné hier après-midi. J'ai côtoyé la maman et une amie là qui passait, la maman du petit garçon qui s'est noyé, Anthony. J'ai parlé avec la copine qui était avec eux. Elle me dit, effectivement, ils étaient 10 dans le bateau. Elle m'a confirmé. Patrick, vous qui avez vu alors la forme du bateau, quand on est à l'avant, on ne voit pas ce qui se passe à l'arrière. Attendez. Là, je vais vous interpeller. Je vais vous interpeller. Voilà, le gars, le propriétaire du canot moteur, il fait bon et il décide de faire un petit tour avec ses copains. Eh bien, la meilleure des choses à faire, il embarque 5, pas que lui, donc il embarque 4 passagers, il fait le tour de ce qu'il veut, il revient, il s'almarre au quai, les uns descendent, les uns descendent. J'entends bien la bonne procédure, mais vous qui connaissez la configuration, quand on est à l'avant de ce bateau, est-ce qu'on voit ce qui se passe à l'arrière, oui ou non? Attendez, à 10, s'il y en a un qui ne voit pas ce qui se passe derrière, il faut m'expliquer. Ah ben c'est pour ça que je vous pose la question, donc c'est impossible de ne pas voir l'arrière. 15 minutes, vous vous rendez compte, Benjamin? 15 minutes pour se rendre compte qu'un gamin est tombé à l'eau. Avec 10 personnes, si effectivement c'est le nombre non confirmé pour l'instant par les autorités. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Hein. Est-ce que sur ce genre de bateau, on est à l'aveugle ou on a toujours un contact visuel avec ce qui se passe? Oui, me dites-vous, d'après le nombre de gens. Allons maintenant à Binche. Monique, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous avez déjà navigué dans votre vie? Ah oui, plus de 30 ans. Sur quel type de bateau? C'était un cabinier, un voilier de 24 pieds. Donc c'est quand même un peu plus grand que ce que les gens avaient sur la Sambre. Vous pouvez me parler du comportement des enfants sur un bateau? Est-ce que ça les rend plus vulnérables? Est-ce que les enfants sont plus attentifs? Est-ce qu'un enfant peut maîtriser un voilier ou un canot moteur? L'attitude des enfants? Normalement, les enfants doivent porter d'office un gilet de sauvetage et à la limite aussi, on leur installe une ligne de vie. C'est-à-dire qu'ils sont attachés au bastingage. Donc, ce qui fait, s'ils passent par-dessus bord, forcément, ils restent accrochés au bateau. Mais ce que vous me donnez là, ce sont des règles, des traditions en pleine mer, ou ça vaut pour la Sambre? Ah non, non, non. Ce sont les règles sur le... au barrage de l'Odeur, si vous ne respectez pas les règles, vous êtes sanctionné parce que il y a d'office une sécurité qui passe à travers le lac et qui vous fait remarquer que vous n'êtes pas, la réglementation n'est pas respectée. Monique, dans le dossier qui nous occupe, est-ce que vous regardez ça avec une certaine tendresse? Une famille, journée ensoleillée, un barbecue, la promenade en bateau, avec peut-être 10 personnes, peut-être moins. Mais ce moment de détente et de plaisance, vous regardez ça avec tendresse? La plaisance, c'est un bon moment, mais je ne regarde pas cet accident de cette manière-là. Parce que bon, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait 10 personnes à bord. C'est pas possible. C'est non confirmé possible. Pour l'instant, hein, Monique. J'y mets un grand conditionnel, même si on peut avoir confiance en Patrick, mais j'y mets un grand conditionnel. Est-ce qu'on peut, pendant 15 minutes, ne pas s'apercevoir de la disparition d'un enfant? Non, c'est pas vrai. Non. Enfin, pour nous qui avons navigué, et je peux vous assurer qu'on passait parfois 2 mois de vacances, les grandes vacances sur le lac, non, c'est pas possible. On peut perdre un enfant de vue s'il est occupé à nager tout près de la berge, mais on peut pas perdre un enfant comme ça sur un bateau, c'est pas possible. Et puis qui est-ce qui tenait la barre? Est-ce c'est un enfant qui tenait la barre ou est-ce c'est un adulte? Les enfants étaient à l'arrière, hein, donc dans la configuration connue, communiquée par les autorités, parents à l'avant et enfants à l'arrière. On va faire avec les éléments qui sont confirmés et communiqués par les autorités. Monique, 15 minutes, c'est un délai qui vous semble complètement déraisonnable. Souvenez-vous de Daniela Blankenberg qui disait que seconde par seconde, elle regardait où était son petit-fils. Mélanie Joris, avant d'aller plus loin, on va essayer d'avancer petit à petit avec les règles de capitainerie et de navigation, quelques éléments de loi pour voir si ça peut nous éclairer dans ce dossier. Oui, tout à fait. Mais il existe un règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures et qui définit les obligations des plaisanciers. Alors, à bord du bateau, il faut obligatoirement un moyen de propulsion de réserve. Ici, on pense par exemple à des pagaies, des rames ou un moteur hors bord. Il faut également une écope ou une pompe à main, un avertisseur sonore style corne de brume, un extincteur à poudre ou encore deux cordes de longueur au moins égale à celle du bateau. Il faut également une ancre ou un grappin avec une corde d'au moins 10 mètres. Finalement, c'est la partie la plus importante de ce règlement. Il faut un gilet de sauvetage à portée de main pour chaque personne à bord du bateau. Bon, là, il nous faudra l'apport alors de ceux et celles qui connaissent le bateau. Un gilet de sauvetage à portée de main, ça ne veut pas encore dire l'obligation de porter à tout moment ce gilet de sauvetage. Si vous avez cette expertise-là, venez à nous dans la conversation. Dans un instant, à Neder-Over Embeek, c'est Tania, maman de jumeaux, qui viendra nous dire si des enfants, d'autant plus sur un bateau, ça se surveille seconde par seconde. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Alors je te préviens tout de suite, cette année, c'est la mer, sinon rien. La séance VIP, c'est reparti, avec Valérie Lemercier et Cadmerade. Les vacances du petit Nicolas, suivi de l'italien, ce lundi soir sur la Une. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute? Non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h sur Viva Bruxelles. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça, c'est wallon, tout ça, c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. Ou on en pleure de rire. Un footballeur, ça s'y mêle encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore S-Oliver. Info sur poincaré.eu. Et au 070-233-466, Zoé, les parents visiblement sont nombreux au standard ce matin avec la confirmation que le comportement d'enfants en bas âge est très imprévisible, mais qu'on ne peut pas avoir les yeux partout. Oui, les parents et spécifiquement les mamans, Benjamin, Nelly, Marie-Pierre, Charlotte, ont toutes les trois eu la même formule. Quand on a des enfants en bas âge, on ne peut pas avoir les yeux partout. Nelly de Hatt, avec quatre enfants de 5, 9, 12 et 15 ans, nous l'a dit, la surveillance est pratiquement impossible en sortie. Les plus petits courent partout et les ados traînent des pieds. Une seule solution, demander aux plus grands de surveiller les plus petits. Marie-Pierre de Gély, maman célibataire, elle a commis parfois des fautes avec sa fille. Une fois, alors qu'elle était aux toilettes, sa petite Nina de 8 ans a mis la main sur le fer à repasser. Pourtant, Marie-Pierre ne se considère pas comme une mauvaise mère et il est juste difficile d'avoir les yeux partout. Enfin, Charlotte de Gramont me l'a dit, avec deux enfants en bas âge qui sont tous les deux hypertoniques, parfois elle a peur qu'un accident arrive quand elle est seule avec eux dans la rue, tout simplement parce qu'ils courent partout et qu'ils sont agités, Benjamin. Nedor Overembeck en ligne. Tania, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes choquée par l'attitude de la justice qui danse de ciel alors qu'on parle de parents qui ont probablement et plus que probablement perdu un enfant? La justice ouvre une instruction pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. Est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout, du tout. Non, non, je suis maman de deux enfants. Bon, maintenant, ils ont 16 ans, mais bon, j'estime qu'un des deux parents aurait dû s'occuper de la manœuvre et le deuxième, des enfants, on s'occupe. On a des enfants, on s'en occupe, on ne les laisse pas, on ne les parque pas, je veux dire. Mais soyons de bon compte sur le processus. Vous avez eu, depuis la naissance de vos enfants, vous avez à chaque fois eu un œil seconde par seconde sur eux, quelle que soit la situation, le train, la voiture, le trottoir, la rue, le bateau, le pédalo, la plage, vous avez systématiquement tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps seule avec eux deux. Là, depuis la naissance, j'ai toujours eu un œil sur eux, seconde par seconde. C'est un automatisme à la fin. C'est, voilà, on vit que pour eux, je veux dire, on a des enfants, on s'en occupe. Alors, si c'est si évident, pourquoi il faut un quart d'heure avant de se rendre compte de la disparition d'un enfant? On nous dit que le bruit du moteur masque les cris, l'alerte de cette fillette. Alors d'autant plus, si le bruit du moteur masque les cris de la petite fille qui a voulu être les parents, ben, d'autant plus de porter un œil sur eux. Enfin, je suis désolée, je suis peut-être un peu dure, intransigeante, mais moi je trouve qu'on laisse pas comme ça ses enfants. En plus, en gilet de sauvetage à l'arrière, j'ai été amenée un jour à faire du bateau, mais mes enfants font énormément de compétitions de natation, j'en ai fait énormément dans ma vie aussi. À ce moment-là, je n'avais pas les enfants. On m'a dit, bon, Tania, tu portes le gilet de sauvetage. J'ai haussé les épaules en disant, mais c'est complètement dérisoire. Et en fait, ça m'a été complètement bénéfique. Donc, les gens qui font du bateau, j'estime qu'ils sont vraiment... Mais donc, ce réflexe-là, vous le connaissez? C'est vraiment impératif. Le réflexe face au gilet de sauvetage, au moment où on se dit c'est dérisoire, moi, j'en ai pas besoin, ça, vous le connaissez? Non, il est fréquent, ce réflexe. Tout à fait. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Moi, ça m'a sauvé. Je suis extrêmement très très très bonne nageuse. Mais vous pouvez comprendre ce moment où on se dit je ne le mets pas, il fait chaud, j'ai l'habitude du bateau, j'ai l'habitude de l'eau, je connais bien le contexte, vous ne pouvez pas comprendre. L'exception, vous ne l'admettez pas. On ne peut pas connaître une habitude avec les enfants, il y a des systèmes à adopter, il y a des réflexes à adopter, ça c'est inévitable. Non, je suis peut-être un peu dure, un peu intransigeante, mais là, je ne peux pas comprendre, je suis désolée. Intransigeante, pas d'habitude avec les enfants. J'ai noté cette phrase clé sur mon document, Tania. Pas d'habitude avec les enfants, vous êtes un Neder-Overenbeek. On va aller à Philippeville. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Quelle est votre expérience des bateaux? Oh, ben, assez longue, et notamment la chance et l'honneur d'avoir pu pouvoir piloter le bateau de sécurité, notamment sur l'odeur. Et en avoir vu des choses à me laisser pantois, je vais dire. Est-ce que vous avez déjà vu des bateaux de ce type-là? Donc le petit canot moteur, 5 mètres de long, qui est impliqué dans ce dossier. Vous avez déjà vu des embarcations? Oui, j'ai déjà piloté ça aussi. Voilà, c'est... Maintenant, je ne sais que... Enfin, voilà, les gens ont bien résumé l'histoire. Il y a une chose qui est un petit peu qu'on oublie. On dit, voilà, on ne regarde que vers l'avant sur un bateau. Si les gens ont leur brevet de navigation, et quand on passe les brevets, les exercices, etc., c'est une visibilité et une vision obligatoire à 360 degrés. Vous savez que même sur la Sambre, l'odeur ou n'importe où, peut, il peut y avoir un plongeur, un nageur qu'on n'a pas vu, peut arriver un jet ski à toute vitesse, un voilier qui n'est pas, qui vous est à moteur, le voilier est prioritaire. Donc ce sont des manœuvres à anticiper et des choses à voir. Maintenant, on prend aussi des gens, des enfants, des jeunes sur Thierry, le bateau. Thierry, où est la barre sur ce bateau-là? Le bateau ne démarre pas. Pardon? Thierry, où est la barre sur ce bateau? C'est une interrogation que je vois souvent ce matin en 3063. Où est la barre de ce bateau-là? Elle est dans la cabine à l'intérieur? Elle est à l'arrière du bateau? À l'extérieur, sur le roof, à l'extérieur. Elle est en commande normalement à droite. Est-ce qu'il est possible qu'en étant concentré, même si c'est une erreur, me dites-vous, est-ce qu'il est possible qu'en étant concentré sur l'avant et sur la navigation, on ne perçoive pas une chute à ma droite, à ma gauche, un peu derrière moi? C'est possible de ne pas le sentir physiquement? Enfin, physiquement, non, parce que voilà, la puissance à partir du moment où on a 25 chevaux, ben voilà, c'est le moteur qui pousse le tout, mais le pilote, je dis bien, je le rappelle, bon, sait voir pendant X secondes qu'il ne peut rien se passer devant lui, et doit en permanence regarder bâbord, tribord, à l'arrière, et voit peut-être qu'à l'instant, je n'incrimine personne. Cet enfant n'avait pas de brassard ni de gilet de sauvetage, il est tombé, le bruit du moteur fait qu'on ne peut pas entendre, la gamine qui crie ou n'importe quoi, mais je dis bien, normalement, sur 15 secondes, les 360 degrés doivent être balayés par les yeux. Et sur 15 minutes? Ben, sur 15 minutes, si on le fait toutes les minutes comme ça doit être fait, on doit voir déjà à un certain moment que l'enfant n'est plus sur le bateau et prendre d'office. C'est ça aussi un brevet de bateau. On doit passer un permis pour conduire une mobylette, une voiture ou un camion. Pour un bateau, c'est la même chose. Et les choses sont apprises. On a un cours de sécurité en permanence. Et voilà, ça doit être fait comme ça. Je ne vous demande pas la règle, je vous demande la pratique. Vous envoyez souvent, ou quand vous étiez sur le bateau de sécurité à l'odeur, des bateaux où les enfants n'ont pas de gilet de sauvetage. Vous avez vu ça souvent ou pas? Voilà, en fait, là-bas, là où on fait la sécurité, ce ne sont que des voiliers, donc d'office, toutes les personnes, puisqu'il y a le cours ADEPS, etc., donc là, toutes les personnes ont un gilet de sauvetage, mais on a vu là-bas aussi des inconscients, des gens qu'on a dû aller rechercher au milieu du lac, qui ne savent pas pagayer, qui nagent, qui font du paddle, là où on turbine. Vous vous rendez compte, si on met les turbines en route, que vous êtes en face des grilles de turbinage, mais c'est aspiré, je ne sais plus combien de mètres cubes, minutes, ça aspire. Et le 31 juillet l'année dernière, je me rappelle, sur l'après-midi, on a sauvé 5 personnes, dont à une minute près, une personne qui était prise dans les algues, qui gueulait, parce qu'il ne voulait pas monter sur le bateau pendant qu'on la sauvait. Et voilà, et les gens, le bateau, je passe à grande vitesse, voilà, on voit des gens en défaut, on leur dit, voilà, la baignade, il fait très très chaud, on autorise de l'eau jusqu'au maillot de bain, je vais dire, où, voilà, le bateau est parti. Je reviens à petite vitesse parce que la crique est assez dentelée, les berges sont assez dentelées. On revient à petite vitesse pour que les gens n'entendent pas le moteur. Ils sont de nouveau à 50 mètres des berges. Bon, ce qui veut dire qu'il y a des comportements, et fréquents d'autant plus. Merci Thierry pour l'expertise donc, que doit avoir le pilote. Hein, l'œil à 360 degrés toutes les minutes. Il est 10h32, ça nous mène à la proportion. Dans les appelants de ce matin, Zoé, combien estime qu'un gilet de sauvetage est indispensable lors d'une sortie en bateau? Mais 90% pense qu'il est indispensable, Benjamin, de porter un gilet de sauvetage lors d'une sortie en bateau, surtout quand il s'agit d'enfants en bas âge. Négliger son port est de l'ordre de l'irresponsabilité. Patrick de Grédoiseau suggère même d'y ajouter un petit sifflet qui servirait de signal d'alerte en cas de chute. RTBF Mobile Info, Stéphane. Toujours des ralentissements avec les travaux sur le ring 3 de Charleroi. Ceci dit, vous perdez à présent moins de 10 minutes en direction d'Épigny, des files entre Couillé et Châtelet. Par ailleurs, sur ce ring 3 de Charleroi, un soulèvement de chaussée a été constaté à hauteur de Gouy-les-Piétons. La bande de gauche est neutralisée en direction de Gouy. Et puis, sur le 40, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, le chantier de Cherade vous ralentit encore sur 5 km. 10 minutes supplémentaires pour atteindre l'échangeur de Longsaint. Vous commencez à ralentir un peu après Barchon. Et puis, pour rejoindre Bruxelles, 10 minutes supplémentaires sur le 411 qui vient de Namur entre Overijs et Léonard, ainsi que 10 minutes en plus entre Berthem et Beaulieu Saint-Etienne sur le 40 en venant de Liège. Et si vous venez de Liège pour rejoindre Bruxelles, sachez qu'un radar nous a été signalé entre Boutersem et Verlet en direction de Bruxelles. Sur le ring, ça se passe très bien. On perd désormais 10 minutes entre Zaventem et Grand Bigard en circulation extérieure. Ailleurs, c'est moins de 10 minutes. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Samedi, un jeune homme de 25 ans, originaire de Châtelet, est mort noyé au barrage de l'Odeur. C'est le deuxième incident en 10 jours. Pourquoi l'Odeur ne met pas à disposition plus de zones de baignade ou plus de services de sécurité, sachant qu'il y a une demande et que malgré les panneaux interdits, de plus en plus de gens nagent? Pourquoi ils ne s'adaptent pas à la demande? J'attends un nom après la pause. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche cécée? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non? C'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Mais oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? On croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? On croit rêver de 23h à minuit avec Régine Dubois et Vivacité la nuit avec Bernard Dewey. Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Samedi, un jeune homme de 25 ans originaire de Châtelet est mort noyé au barrage de l'Odeur sur le lac de la Plate-Taille. C'est le deuxième incident en 10 jours. Il y a 10 jours, c'était un garçon de 7 ans qui l'a été sauvé de justesse. D'où la question qui dérange. Pourquoi l'Odeur n'augmente pas son nombre de baignades autorisées? Il n'y en a que 2 pour l'instant, mais on voit bien que la demande est très très forte et on voit bien qu'il y a des gens qui nagent partout malgré les panneaux d'interdiction. Alors certes, il y a des individus, des nageurs qui ne respectent pas la règle, mais on le voit bien, d'année en année, il y a une demande, il y a un besoin de zones de baignade, pourquoi ne pas adapter le service, tout simplement? C'est la question qui dérange. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur. Dans ce dossier, avez-vous un nom à nous proposer? Oui, et ce nom, c'est Sophie Boutefeu, c'est la responsable presse et communication pour les Lacs de l'Odeur. C'est elle qui interviendra dans cette question qui dérange. Alors, pour info, le domaine des Lacs de l'Odeur, eh bien, il compte près de 600 hectares de plans d'eau. Deux zones de baignade sont surveillées, l'une sur le lac de la Plate-Taille, l'autre à Fallon-Prise. Les plans d'eau sont immenses, ils sont donc délimités, les zones de baignade sont délimitées, soit par des bouées, soit par des pontons. Et pour que le drapeau vert soit hissé, eh bien, il faut que la qualité de l'eau soit bonne et que le maître nageur soit présent. Ces deux conditions doivent être réunies. Sophie Boutefeu rappelle que les eaux des lacs de l'Odeur sont très dangereuses, la visibilité est quasi nulle, l'eau est très sombre et complique fortement le travail des forces de secours en cas d'accident, et les eaux sont très froides, même si elles paraissent chaudes en surface. Le risque d'hydrocution est donc élevé. Vous connaissez les lacs de l'Odeur, vous avez déjà nagé là-bas et vous avez un avis sur les zones de baignade autorisées et interdites. Laissez un éclairage à Zoé au standard. Et pour Guillaume, le problème c'est qu'il est de Serre-Fontaine, c'est qu'il n'y a pas assez de surveillance au lac de l'Odeur. Une équipe de pompiers devrait se tenir prête à intervenir pendant les heures de baignade et les jours de forte chaleur. Selon Guillaume, ce n'est presque jamais le cas, Benjamin. Pourquoi l'Odeur n'augmente pas son nombre de zones de baignade autorisées, puisqu'on voit bien qu'il y a une demande et des gens qui nagent partout? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur le drame de l'Aube. Samedi, un petit garçon de 8 ans est tombé du bateau familial dans la Sambre et les parents s'en sont rendus compte 15 minutes plus tard. Ses parents ont-ils une responsabilité? Pourquoi la question? Eh bien parce que la justice a ouvert une instruction pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et ou de précaution. 070-233-466 par SMS au 3063 avec une interrogation qui est donc la nôtre ce matin sur la bonne surveillance des enfants sur un bateau ou à terre. Quelle est la fréquence avec laquelle il faut jeter un œil sur des enfants? Et puis ce chiffre marquant, 15 minutes. 15 minutes sans se rendre compte de quelque chose. 070-233-466 à Landen. Judith, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous qui avez des enfants, vous comprenez que pendant 15 minutes, on ne se rende pas compte qu'un enfant est tombé? Non, c'est incompréhensible Benjamin. 15 minutes, c'est trop long de laisser les enfants sans surveillance. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, 15 minutes? Qu'est-ce qui peut expliquer ça avec, je vais dire plus ou moins 7 adultes dans un bateau? Je parie qu'ils étaient soit occupés à boire, à papoter, à... peut-être profiter de la nature. Sur le nombre d'individus dans le bateau, j'y mets le plus grand conditionnel, la plus grande réserve, en attendant des confirmations officielles. Judith, est-ce qu'on doit être sévère sur ce dossier? C'est l'histoire d'une famille en plein soleil, samedi. On vit une canicule comme on en a rarement connu. Et cette famille se dit, je prends le bateau. Et on est dans un moment de légèreté. Est-ce qu'on doit être sévère, du coup, sur ces gens-là? On doit être très sévère, Benjamin, pour servir de leçon aux autres parents. Avec deux parents qui sont sortis avec des enfants, même si un parent est occupé à conduire ou à faire quoi que ce soit, l'autre parent devait avoir les yeux sur les enfants, en plus à l'arrière d'un bateau. Mais vous, vous avez un œil seconde par seconde sur vos enfants, vous qui en avez quatre. Seconde par seconde, vous savez les localiser dans l'espace. Mes deux derniers ont 6 mois et 2 ans, Benjamin. Seconde par seconde, j'ai soit moi, soit mon époux, on a les yeux sur ses enfants. Parce que tout peut arriver à tout moment. Un enfant peut suffoquer, un enfant peut avaler un truc, je ne sais pas, un enfant peut tomber. Quel âge a le plus âgé, Judith? Le plus âgé a 11 ans. Celui de 6 mois, il est facile à surveiller, il ne se déplace pas beaucoup. Mais celui de 11 ans Celui de 11 ans, allez, c'est une fille, parfois elle est dans sa chambre. Si je reste, allez, 10 minutes sans entendre, 10 minutes c'est, parfois c'est très long, 5 minutes sans entendre des bruits, sans entendre sa voix, je me questionne qu'est-ce qu'elle fait, elle est où, et je vais regarder. Même quand il fait très chaud ces jours-ci, on a mis une piscine à l'extérieur, et elle et son frère de 9 ans sont à l'intérieur. Quand ils sont à l'extérieur, dans la piscine, soit moi, soit le papa, nous sommes toujours avec. On ne les laisse jamais tous seuls. Ils savent nager bien. Mais tout peut arriver à tout moment. Judith, on ne laisse pas les enfants tout seuls, je suis désolée. Je mets les bémols avant. Nous n'avons pas tous les éléments et il y a la justice qui fait son travail, qui ouvre une instruction. Sur base de ça, question pour vous. Est-ce que ses parents ont une responsabilité ou c'est la double peine de parler de responsabilité? Vraiment mes condoléances pour cette famille attristée. C'est une double peine, mais ils sont responsables de ce qui s'est passé pour leur enfant. Mais vous actez la double peine quand même. Vous êtes à London ce matin. Il est 10h41 et on appelle les experts. Il est le porte-parole des pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, Michel Méhan, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et vous avez suivi les opérations depuis le début. Est-ce qu'à ce stade, 10h41, est-ce que le corps de ce jeune homme a été retrouvé, localisé? Non, toujours pas à l'heure actuelle. En tout cas, si vous parlez bien sûr de l'Aube, la cellule disparition a réentamé les recherches ce matin en compagnie de la protection civile. Ils ont pu réduire l'espace entre le moment où l'enfant serait tombé à l'eau et le moment où on s'en est rendu compte. Nous avons besoin de confirmation car il y a dans la presse ce matin des versions différentes et nous avons parlé tout à l'heure à Patrick de Ransard qui était sur le terrain d'opération hier. Savez-vous combien de personnes exactement étaient sur ce bateau de plaisance, celui où se trouvait le petit garçon de 8 ans? Non, je ne saurais vous le dire exactement. Maintenant, c'est la cellule disparition de la police fédérale qui a pris en charge l'enquête. Et bien sûr, ce n'est pas aux pompiers à le faire. Mais c'était assez confus samedi soir en tout cas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est exactement du nombre de personnes qu'il y avait exactement sur ce tout petit bateau. Hein. C'est un petit bateau qui fait quelques mètres de long, pas plus. On nous a parlé d'une dizaine de personnes sur ce bateau. Est-ce que physiquement, même si vous n'avez pas le chiffre, est-ce que physiquement 10 personnes sur ce bateau, c'est de l'ordre du crédible ou le bateau est trop petit ? Si on met des tout petits enfants, peut-être qu'on peut en mettre une dizaine, ou sinon je ne pense pas que ce genre de bateau puisse accueillir autant de personnes. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant tombe ? Personne ne s'en rend compte, on parle du bruit du moteur qui couvre les cris d'alerte, et puis on fait demi-tour et on ne retrouve pas cet enfant. Le courant dans la Sambre samedi était violent, rapide ? Non, au contraire, apparemment il faisait 2 mètres cubes de courant, c'est-à-dire très très peu, étant donné qu'il n'a plus plu depuis plusieurs jours. Et très vite, les barrages ont été abaissés pour encore diminuer ce courant. Les recherches ont commencé très très vite samedi. Un mot sur cette jeune fille, la jeune fille qui a alerté. Son cri aurait été masqué par le bruit du moteur, crédible ? Crédible si elle ne fait que de crier, oui, parce que bon, c'est quand même un moteur, reste un moteur diesel, fait quand même relativement de bruit. Maintenant, de nouveau, ce n'est pas à moi à savoir exactement ce qui s'est passé au niveau de l'alerte exactement. En tout cas, ça a été très long entre le moment où l'enfant serait tombé à l'eau et le moment où nous avons été avertis. Et étant donné que dans ce genre de situation, chaque minute compte, effectivement, quand nous sommes arrivés, il était déjà quasi trop tard. Est-ce qu'un enfant avec une petite maîtrise de la nage pouvait s'en sortir là-dedans, où il fallait être un très bon nageur pour se sortir de la Sambre, même si le courant était très faible ? Non, je suppose qu'un nageur moyen peut très bien s'en sortir. Le problème, c'est qu'apparemment, il n'avait pas de gilet de sauvetage et il n'y avait pas de gilet de sauvetage, apparemment, et je dis bien apparemment, à bord de l'embarcation. Je pense que s'il avait eu son gilet de sauvetage, on ne serait pas là en train de le pleurer. Il y a un élément sur lequel on a un flou. Le plus important est un gilet de sauvetage à portée de main pour chaque personne à bord du bateau. Est-ce que ça veut dire qu'on doit l'avoir dans le bateau ou ça veut dire qu'on doit le porter obligatoirement ? Je pense que la législation demande à ce qu'on ait un gilet de sauvetage par personne dans le bateau. Maintenant, le mettre, ça c'est autre chose. C'est un peu comme la ceinture de sécurité. Il y en a qui la mettent, il y en a qui ne la mettent pas. Ouais, la ceinture de sécurité, elle est obligatoire. Le port est obligatoire. Merci alors Michel Méhan, vous êtes porte-parole des pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Et cette information importante, donc ce matin, le corps n'a toujours pas été localisé. On va se connecter au 070-233-466 Zoé, avec la volonté pour certains d'avoir un âge minimum pour monter sur un bateau. Oui, c'est Walter qui a cette volonté. Walter de Maf, il navigue depuis une trentaine d'années. Et selon lui, il faut imposer un âge minimum avant de monter sur un bateau. Il a personnellement attendu que ses deux enfants aient respectivement 13 ans pour qu'ils montent à bord. Un âge où un enfant peut comprendre, écouter et apprendre, selon Walter. Et même à cet âge-là, Walter insiste pour que ses enfants soient munis d'une ligne de vie et d'un gilet de sauvetage. En bon marin, Walter est catégorique. En bateau, le moindre geste mal placé peut être fatal. Spontin, Jacqueline, bonjour. Bonjour. Et vous aussi, vous connaissez bien le bateau. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas mettre de gilet de sauvetage à un enfant de 8 ans, vu la faible vitesse de l'embarcation ? Jamais. Les enfants sur un bateau doivent toujours, toujours, toujours avoir un gilet de sauvetage. Nous-mêmes, donc mon compagnon et moi, nous naviguons pas mal. Et les jours où je ne me sens pas trop en forme, je mets personnellement, moi aussi, le gilet. Dans un bateau, tout peut toujours arriver. Ça veut dire quoi, tout peut arriver ? On est à faible allure, il fait beau, c'est relax pépère, il n'y a pas de courant. Ça veut dire quoi, tout peut arriver ? Mais bon, on ne sait pas les bateaux qui peuvent arriver en face, on ne sait pas ce qui peut se passer. Quelque chose peut tomber à l'eau, quelque chose peut nous distraire. Il y a plein de choses, même quand il fait très calme, même quand il fait très beau, on ne sait jamais. Bon, ils ne sont pas tout seuls. C'est quand même un endroit de passage, c'est une route. On peut ne pas se rendre compte que quelqu'un tombe du bateau ou c'est impossible ? Pour moi, c'est impossible, mais bon, je peux comprendre qu'éventuellement, un quart d'heure, jamais, jamais. Mais c'est possible, physiquement, de ne pas se rendre compte qu'un volume, permettez-moi l'expression, disparaît de l'embarcation. Jacqueline, merci de nous avoir rejoints. Une pause et puis à la question qui dérange. Pourquoi au barrage de l'Odeur, ils ne mettent pas plus de baignades autorisées et de sauveteurs ? Encore un choix. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Feuille morte. Tout l'hiver, tu es resté gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Avec vous Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre est disponible pour moins de 15 balles, 14,99€ par mois pour être précis. Vous allez dire, mais non. Alors pour en profiter et ne pas être allez vite vous renseigner dans une boutique vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous Sport World. Offre soumise à condition. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Samedi, un jeune homme de 25 ans, originaire de Châtelet, est mort noyé au barrage de l'Odeur. C'est le deuxième incident en 10 jours et le premier concernait un jeune homme de 7 ans qui était sauvé justesse. Avant d'interpeller les barrages de l'Odeur et les lacs de l'Odeur sur le peu de zones de baignade, dernier éclairage au standard, Zoé. Mais le problème pour Karim Derand, c'est qu'il n'y a pas assez de zones de baignade au lac d'Odeur. Pour lui, ces zones sont délimitées par des bouées, mais quand elles sont surchargées, ben les baigneurs font du hors-piste en quelque sorte et c'est là que les accidents arrivent, selon lui, Benjamin. La responsable presse et communication des lacs de l'Odeur est en ligne. Sophie Boutefeu, bonjour. Bonjour Benjamin. On a vu ce week-end un pompier déplorer le manque de moyens, signalant qu'avant, il y avait des patrouilles, notamment Zodiac, des patrouilles qui allaient vers les zones où la baignade était interdite. Pourquoi ces patrouilles-là n'existent plus ? Eh bien, effectivement, faute de moyens, c'est vrai qu'on a supprimé certaines un accompagnement, en tout cas, de la police, des pompiers, une antenne d'aide médicale urgente qui était sur place ici sur les lacs. Voilà, on a dû effectivement réduire un petit peu tout cela. Maintenant, effectivement, rien ne nous oblige à mettre ces choses en place. On le fait, c'est comme exactement comme les zones de baignade qui sont délimitées et surveillées par des maîtres nageurs, c'est la SBL, c'est nous qui avons décidé de mettre cela en place pour garantir au maximum la sécurité des gens, tout en interpellant à la vigilance de chacun. Mais visiblement, il y a encore un besoin, puisqu'on voit que les zones où la baignade est interdite sont forcément plus nombreuses que les zones baignades autorisées, il n'y en a que deux. On voit qu'il y a encore beaucoup de visiteurs qui vont dans ces zones baignades interdites et qui nagent et qui n'ont aucune volonté de faire marche arrière. Donc ça veut dire qu'il y a encore un besoin de patrouille ou de surveillance même lointaine. Pourquoi vous ne répondez pas à ça ? Attention, en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si la baignade est interdite sur les 600 hectares de plan d'eau ou presque, c'est parce qu'il y a un réel danger. C'est pas pour s'amuser, c'est pas pour embêter les gens qu'on interdit la baignade. C'est parce que réellement, le site des lacs de l'Odeur, c'est pas une piscine. Il y a des différents, il y a des dangers spécifiques au site. Par exemple, c'est pas lié à vos effectifs, c'est vraiment lié à la nature. À la production électrique. Des mouvements, justement, entre les eaux de surface et les eaux de fond qui engendrent des différences de température importantes. La visibilité. Dès que quelqu'un a une crampe ou un souci, ça empêche vraiment une rapidité au niveau des secours parce qu'il y a très très peu de visibilité dans les lacs. Donc tout ça, il y a aussi la pratique d'activités qui sont incompatibles avec la baignade. Vous imaginez dans le lac de l'Odeur où il y a un club de jet ski, de ski nautique, vous imaginez des baigneurs en plein dans la darse de compétition. Donc c'est important, c'est pas lié à des moyens financiers, c'est lié vraiment au cadre naturel. Alors pourquoi bien ne sûr, pas... Il faut vraiment le rappeler. Pourquoi ne pas interdire alors, ou condamner, fermer ces site où les visiteurs vont se masser. Pourquoi ne pas les condamner alors ? On l'interdit. Il y a énormément de panneaux de baignade interdite, notamment où il y a eu l'accident samedi. Il y a énormément de panneaux qui indiquent que la baignade est interdite. On a vu dans différents reportages en télé que les gens, quand il y a 35 degrés, n'ont pas envie de respecter ces panneaux. Ils le savent très très bien, ils sont tout à fait conscients de ça, mais l'appel à l'attractivité est trop forte. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de la prévention, et je vous remercie de me faire intervenir dans votre débat aujourd'hui, parce que ça permet justement de rappeler les règles et que c'est pour le bienfait des gens que finalement on a mis tout ça en place, que c'est pas pour les embêter, mais on ne peut évidemment pas être sur chaque hectare du site. Vous imaginez 600 hectares de plans d'eau, c'est énorme. Dernière chose alors, Sophie Boutefeu, 40 secondes devant nous. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans un horizon court terme, vous ouvriez une troisième zone de baignade surveillée ou en configuration, ce n'est pas possible? Vous savez, ce n'est pas ça que les gens recherchent. Les gens, si on mettait une zone de baignade de plus, ce ne serait de toute façon pas assez, parce que les gens cherchent des zones où ils sont seuls, des petites berges, des petites criques, où ils ont une paix royale. Mais là, il y a réellement danger. Donc il y a de toute façon plusieurs zones de baignade qui sont décrites par la région wallonne. Nous, on a décidé d'en surveiller, d'en sécuriser deux au maximum. C'est déjà très dur de trouver des maîtres nageurs, même pour les deux en question. Donc ça, on fait appel aussi, s'il y a des maîtres nageurs, ils peuvent postuler chez nous, on est tout le temps à la recherche. Ah ben c'est un appel qui est important alors, puisque l'actualité nous montre qu'il y a aussi un besoin de surveillance, effectivement. Merci Sophie Boutefeu d'avoir dit donc la réalité de ce site naturel, avec un C'est vous qui le dites deuxième partie, est très fortement marqué par les accidents liés à l'eau. Et je rappelle que vous êtes responsable des lacs de l'Oder, responsable presse et communication. On marque une nouvelle pause et puis on va vers les enseignements de ce lundi matin dans C'est vous qui le dites. Je suis Karine Vouys, enseignante en audiovisuel à l'ITP, cours Saint-Étienne. Savez-vous que cette option est unique en secondaire ? L'option audiovisuel peut vous ouvrir les portes de l'enseignement supérieur, du cinéma et de la télévision. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute ? Non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h sur Viva Bruxelles. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoedescount.be. Shoe Discount. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange avec la surveillance limitée au lac de l'Oder sur la page Facebook Marion Jomotte. Et vous êtes 40 309 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Eddy, lui, fait ce constat sur notre page Facebook. Le manque de surveillance et le faible nombre de zones de baignade au lac de l'Oder sont dus à un manque de moyens. Alors Eddy propose cette simple solution, faire payer ceux qui profitent du bord de l'eau pour récolter des fonds et payer le personnel supplémentaire. À 9h, vous avez choisi une conversation sur le drame de l'Aube samedi, un petit garçon de 8 ans qui est donc tombé du bateau familial dans la Sambre et les parents s'en sont rendus compte 15 minutes plus tard. Ont-ils une responsabilité ? Oui, avez-vous dit, car un enfant ne peut pas être lâché du regard, y compris sur Terre, certains allant jusqu'à parler d'une surveillance seconde par seconde. Ensuite, vous nous avez signalé que le pilotage d'un bateau nécessitait une vision à 360 degrés chaque minute. Dire qu'on a le regard porté vers l'avant relève donc de l'excuse. Enfin, cette conversation sur l'importance du gilet de sauvetage qui n'était pas là. Et puis, l'info donnée par les autorités il y a quelques minutes encore, le corps de ce jeune homme n'est toujours pas localisé. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. C'était Jacqueline Dordaine, institutrice. Pendant 40 ans, elle organisait souvent des sorties en mer et sur la Meuse, seule, avec 35 élèves sans gilet de sauvetage sur un bateau. Il ne lui est jamais rien arrivé. Jacqueline ne comprend pas comment cet accident a pu se produire sur un si petit bateau. 15 minutes avant de s'en rendre compte, pour elle, c'est impensable. Cette ancienne institutrice ne comprend pas cet accident. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur l'enfant qui tombe d'un bateau dans l'indifférence générale pendant 15 minutes. Parmi les moments de ce matin, il y a eu Daniel de Blankenberg à 10h15. Il ne faut jamais laisser un enfant seul. Vous en avez la responsabilité parentale, nous a-t-elle dit. Les enfants sont imprévisibles. Il faut les tenir à l'œil à chaque seconde. Il doit avoir un des deux parents qui regarde aux enfants pendant que l'autre navigue. Vous semblez me dire qu'il y a une responsabilité parentale. J'ai mal au cœur, très mal au cœur de le dire, mais oui. J'ai un collègue qui possède un bateau de plaisance. Il était à Maréla pour le week-end. Donc voilà, on était à un barbecue sur le quai. Ce bateau, c'est un petit canot moteur, un petit cabinier de 3-4 mètres. Et ils sont passés et nous étions au coin une dizaine à table. Et un des convives a compté le nombre de personnes qu'il y avait dans ce bateau. Ils étaient 10. À 10, s'il y en a un qui ne voit pas ce qui se passe derrière, il faut m'expliquer. On peut perdre un enfant de vue s'il est occupé à nager tout près de la berge, mais on ne peut pas perdre un enfant comme ça sur un bateau. Normalement, les enfants doivent porter d'office un gilet de sauvetage. À la limite aussi, on leur installe une ligne de vie. Donc ce qui fait que s'ils passent par-dessus bord, forcément, ils restent accrochés au bateau. On ne peut pas connaître une habitude avec les enfants. Il y a des systèmes à adopter. Il y a des réflexes à adopter. Ça, c'est inévitable. Non, je suis peut-être un peu dure, un peu intransigeante, mais là, je ne peux pas comprendre. Je suis désolée. Il y a une chose qu'on oublie. On dit, voilà, on ne regarde que vers l'avant sur un bateau. Si les gens ont leur brevet de navigation, et quand on passe les brevets, les exercices, etc., c'est une visibilité et une vision obligatoire à 360 degrés. On a été très sévère, Benjamin, pour servir de leçon aux autres parents. Avec deux parents qui sont sortis avec des enfants, même si un parent est occupé à conduire ou à faire quoi que ce soit, l'autre parent devait avoir les yeux sur les enfants, en plus à l'arrière d'un bateau. Et notre conversation continue bien sûr sur la page Facebook, elle est à votre disposition 24h sur 24. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Bon lundi de rentrée.